Oui, excusez-nous pour cette petite interruption sonore. On a parlé du travail la semaine dernière. C'est quelque chose de très actuel en ce moment, enfin beaucoup dans l'actualité, le travail de certains, voire de certaines. C'est la deuxième partie. Comme d'habitude, en fait, on va commencer tout doucettement en vous lisant en fait le compte-rendu de la semaine dernière, donc des débats et des discussions qu'on a eues assez nombreuses. Je vais vous lire ce CR, et puis après, n'hésitez pas à réagir et puis à prendre la parole surtout. Alors, on est sous une bâche, mais vous pouvez venir sous la bâche. La vie est plus belle sous la bâche. Voilà, vous voyez un ciel vert. Donc c'est cool, donc n'hésitez pas à parler, à nous rejoindre. Le but c'est qu'on le fasse tous ensemble. La parole est libre. Voilà, tout simplement. Alors, donc, ce fameux CR. La première partie, c'est créer du travail en fonction de la demande citoyenne et des choix de chacun, chacune. Le travail doit être un moyen d'épanouissement défini comme participation à la collectivité. Ce qui est essentiel pour la vie de toutes et toutes, comprenant aussi la vie intellectuelle, culturelle, artistique. Le travail, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble? La politique, c'est comment? Que ceux et celles qui ne souhaitent pas travailler pour produire puissent s'épanouir autrement. Le travail donne du sens à ce que l'on fait en ayant une portée collective, que les productions ou créations soient valorisées avec une appropriation personnelle sans propriété ni enjeu économique derrière. Le point suivant, on est dans l'illusion que produire, avoir un salaire universel serait la panacée, alors que cela servirait encore le capital. Le revenu de base ressemble à des bons d'achat pour enrichir les actionnaires. Lol. Deuxième partie, partage et aménagement du temps de travail. Le temps de travail sera choisi en fonction des activités, pas de contrat pour laisser libre cours à la collaboration et variable au cours de la vie. Le salaire minimum est un faux sujet car il va augmenter le coût de la vie et augmenter la différence entre Français et étrangers. Ce qui est intéressant dedans est que ça permet de repenser le rapport au travail comme dépendance économique avec une émancipation du salariat. Le salaire minimum ne sert plus à rien si on augmente les prix et qu'on le retire les cotisations sociales. La dépendance économique va se déplacer vers l'État. Ça ne change pas le problème. Attendez, excusez-moi, du coup, un coup de vent et je ne sais plus où j'en suis. Donc la dépendance économique va se déplacer vers l'État. Ça ne change pas le problème de la propriété territoriale. Il y a deux façons de la financer, la redistribution, impôts, ou la création monétaire. Actuellement, la Banque centrale crée de la monnaie et cela circule entre banques et paradis fiscaux. Les marchés financiers créent aussi de la monnaie virtuelle. 90% de la monnaie est créée par les prêts au sein des banques. Pour 1 euro, les banques ont 13 euros d'argent virtuel. On en est au point où l'argent ne peut plus rembourser les crédits. Le capital fictif, crédit et dette, favorise l'aliénation au système économique et retire la possibilité de faire soi-même. La banque a ce pouvoir de créer de la richesse sans travail, ce qui lui donne une toute-puissance. Pour s'approprier la création monétaire, on pourra instaurer les conseils collégiaux, exemple jury citoyen. Veillant au risque d'inflation et rendant visible et compréhensible le mécanisme de la création monétaire. Toutes les banques seront collectives et sans possibilité de faire du profit. Si tout le monde a de l'argent à disposition, cela renverse totalement le système. Créer des monnaies locales non cumulables, pas d'épargne, avec seulement une valeur d'usage, on crée ce dont on a besoin. En dehors d'un système financier global où s'instituent les rapports de force. Ensuite, on a parlé de deux textes sur ce thème de Jacques Ellul, l'idéologie du travail, droit à la paresse. La partie suivante, production faite en fonction des besoins humains, entre parenthèses, valeur d'usage, et non du profit, entre parenthèses, valeur d'échange. Donc, est-ce que le travail doit rentrer dans le système économique ou pas plutôt suivre la logique écologique en se détachant de la valeur marchande? Redéfinir le travail en fonction de ce que l'on aime faire et ce dont on a besoin dans une forme non productiviste. Actuellement, on veut un travail pour subvenir à ses besoins, pour gagner de l'argent. Les plus démunis sont maintenus en dépendance. supprimer les frontières et le salaire pour que le travail soit dans la dimension du partage et des échanges. En Pologne, des étrangers sont exploités dans les usines, travailleurs détachés pendant une période courte. On utilise les frontières pour faire plus de profit. En Afrique aussi, ils le font. Bref. Le capital généré du capital tout seul génère du capital tout seul. Les humains ne lui sont plus indispensables, mais en demeurant asservis pour vivre. On ne sait pas comment les choses sont produites et la misère qu'elles cachent. On peut considérer en venant à nu debout, on travaille, mais en dehors du système économique. Si chacun, chacune fait ce qu'il ou elle veut, le risque serait que certains emplois soient délaissés. On pourrait envisager des temps tournants pour les tâches les plus difficiles ou utiliser la technologie. Que le travail indispensable à la vie de la communauté soit appris par toutes et tous, car celui ou celle qui les pratique acquiert une valeur. Tout ce qui produit du lien social et du travail et comprend une responsabilité. Le travail peut être défini par le plaisir qu'il procure plus que par le profit ou la compétition. Dans l'histoire, la technologie a souvent favorisé les inégalités, l'urbanisme et les dominations, dépendances. En Inde, par exemple, les habitants se sont endettés pour acheter des semences Monsanto. Chacun, chacune doit être rendu capable de faire les choses soi-même et à sa propre échelle par une appropriation collective des terres. Il n'y a pas besoin de robots ni de production industrielle si on retourne à petite échelle avec un échange de savoir-faire, le développement de lieux d'apprentissage théorique et pratiques ouvertes à toutes et toutes, où on fait ensemble sans division patron-ouvrier. On a un rayon de soleil, c'est magnifique. Pratiquer permet d'apprendre à se connaître, développer ses capacités et sa propre aptitude à vivre avec son environnement. Pas d'évaluation des compétences ni de hiérarchie. Autolimitation. L'être humain a toujours besoin de se rassurer parce qu'il ne se connaît pas et attend que quelqu'un lui dise qui il est et ce qu'il peut ou doit faire. Le système de reconnaissance ancre notre identité dans un rapport de domination. Le travail devrait lui permettre de se définir lui-même plutôt que de vendre à un autre sa force de travail. Marx a développé le fétichisme de la marchandise. La vie, le corps, l'esprit se vendent comme des marchandises et le marché définit la valeur de l'individu. Laisser à chacun chacune la possibilité de changer son mode de vie pour gérer le partage des ressources indispensables au lieu des ressources humaines. Limiter le progrès à ce qui est partageable et utile pour la collectivité à long terme. Quand on se sent responsable et pas dépendant de ses conditions de vie, on veut participer. Alors, point suivant. Participation démocratique des fonctionnaires aux politiques publiques, hôpitaux, écoles. Garder la technologie pour la santé et la communication, assister l'homme par remplacer le soin. Ensuite, investissement dans des projets communs qui servent à toutes et tous. Le travail part de nos besoins, manger, se vêtir, se loger, se chauffer, apprendre, échanger, se déplacer. Pas de propriété dans les savoirs, tout doit être accessible à toutes et toutes. La notion de compétition, au travail arrive dès l'école. Alors qu'une passion partagée collectivement, ça peut être considéré comme un travail, défini comme ce qui est fait collectivement. Changer le mot « travail » pour qu'il prenne en compte la dignité de l'action et de la pensée humaine. C'est fini. Merci. Voilà. C'est les gens qui l'ont dit, Et nous, on l'a résumé entre trois feuilles. Donc, faire un compte-rendu. C'est pas une charte, c'est un débat qu'il y a eu sur le travail et ce qui est sorti des discussions entre les gens. Et du coup, vous voulez proposer en loi ? Non, nous on est là pour proposer une société idéale. Pour construire une société idéale avec les gens Du coup, une société, ça veut dire quoi ? Une société a besoin de quoi ? Alors attends, dans ces cas-là, tu vas prendre le micro et puis tu vas parler tranquillement. Je vais juste chercher un modérateur. Donc le CER a été dit, maintenant ceux qui veulent parler, vous pouvez venir parler avec nous, donc le thème c'est sur le travail. Donc tu veux parler là-dessus ? Le travail, ça veut dire quoi, le travail ? Vas-y, tu veux parler ou pas ? Moi je ne peux pas parler comme ça, le travail, et puis je veux parler sur le travail, puisqu'il y a des travails réservés. Vas-y, attends, tu veux commencer ? Vas-y. Alors, En relisant le CR, on avait défini la dernière fois le travail comme ce qui peut, enfin ce qui implique la collectivité en fait. Donc ça comprend autant l'art que ce qui serait de la production ou ce qui serait aussi de l'aspect culturel, éducation, etc. Donc ça englobe quelque chose de très large. À partir du moment où quelque chose est partagé collectivement, on peut considérer ça comme du travail. C'est comme ça qu'on l'avait plus ou moins défini du coup la semaine dernière. Après, il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé la semaine dernière, c'est qu'est-ce qu'on fait des syndicats et du MEDEF dans la société idéale. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y. Bon, alors, on avait fait une cérémonie de la séparation du MEDEF et de l'État il y a quelques temps. C'était très très symbolique, forcément, puisque le MEDEF ne s'est pas séparé de l'État, même avec toute notre meilleure volonté, et un vote démocratique à l'Assemblée Générale qui avait eu lieu pas très loin du MEDEF ce jour-là. Le MEDEF est toujours là. Donc, forcément, dans une société idéale, pour moi, le MEDEF n'a pas sa place. De toute manière, je pense on en avait... Je sais pas si on l'a vraiment dit ou pas, mais parce que c'est tellement évident, voilà, parce qu'il y aura la notion de dirigeant, parce que moi je ferai la différence entre un patron et un dirigeant, parce qu'on dit beaucoup, on emploie beaucoup le mot patron à tort et à travers, mais finalement maintenant c'est plus des dirigeants, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est plus vraiment des patrons en fait, enfin, faut le vivre pour le voir. Et puis c'est des girouettes, hein. Ils passent tous, ils restent 2-3 ans, ils détruisent, et puis après il y en a un autre qui arrive qui détruit encore, et puis voilà, et puis tout le monde est content, et ils sont un petit peu dans leur cercle assez bizarroïde. Donc pour moi, voilà, c'est comme une espèce de caste finalement. Donc le MEDEF, non, il y en a eu, pour moi ça ne devrait pas exister. Après un syndicat. On va pas refaire l'histoire des syndicats, sinon je pense que ça va être très très long. Mais actuellement, malheureusement, les syndicats servent à aider les gens plus individuellement que collectivement. Et c'est l'un des gros problèmes, c'est que comme on est dans une société assez individuelle, je pense qu'en tout cas certains, je vais pas me mouiller, mais certains voudraient effectivement une transformation sociale. Voudrait beaucoup de choses, mais du coup, en tout cas, les militants de base sont assez, pour aider plutôt les gens et les individus, et ça prend un temps énormément long, et du coup, la transformation sociale et les valeurs, etc., etc., derrière, c'est un petit peu compliqué. Dans la société idéale, pour faire assez vite, je sais pas s'il y aurait vraiment besoin de syndicats, puisque normalement on devrait avoir un travail où il n'y aurait pas de, enfin, entre guillemets, il n'y aurait pas d'inégalité, il n'y aurait pas de mise en concurrence entre individus, on n'aurait pas de mise de stress, enfin, d'objectifs, en tout cas comme on peut les définir aujourd'hui. Donc alors peut-être qu'il faudrait quand même alors c'est même pas une instance, mais des personnes dans, je sais pas si on appellerait ça une entreprise, mais ça me rappelle quand on disait dans une société idéale, il y aura toujours quelqu'un qui fera une connerie ou que tu auras quelqu'un, parce que on peut pas être tous des bisounours, quoi. Donc forcément, il y aura toujours des problématiques. Donc je pense qu'il faudrait quand même je sais pas si c'est un ou des représentants des travailleurs, ou on va appeler ça travailleurs parce qu'on sait pas trop s'ils seront salariés dans la société idéale. Il faudrait quand même quelque chose, voilà. Mais je ne sais pas trop quoi. Merci. Si tu veux, vas-y. Ok. Je vais vous donner une société idéale. Merci pour la parole. Allô, prenez en note. Alors... je vais essayer de présenter à mon échelle une société idéale. Donc actuellement, je me trouve sans emploi. Et puis, je suis diplômé. Mais ça ne suffit plus, le diplôme. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de travail parce qu'on a du travail réservé. Donc il y a une il y a du travail, mais en fait il n'y a pas de travail. C'est un peu bizarre. C'est la société dans laquelle nous vivons. Donc pour moi, une société idéale, ce serait déjà de pouvoir un peu essayer de voir un peu la richesse de la Terre sur la planète où nous vivons, de voir un peu où sont les richesses et puis de rendre officielles les richesses qui existent réellement, puisque nous sommes les habitants de la Terre. Nous communiquons, nous parlons, même si nous sommes différents, différentes origines, différents horizons. Mais on peut quand même s'entendre sur le travail. Parce que on dit que le travail, c'est la ressource, c'est la source de revenus, le revenu qui va assurer la vie aux gens. La sécurité, la maison, l'emploi, et l'avenir, l'école, l'éducation. Donc, la société idéale, ce serait de pouvoir chiffrer ce que nous avons sur cette terre. Donc aujourd'hui, nous avons le soleil, grâce à Dieu, merci. Et puis donc, la société idéale devait sortir à travers chaque individu, savoir capter le positif et non pas le négatif, puisque nous sommes tous un peu frustrés, nous avons tous le cœur brisé, nous avons l'impression d'être vendus pendant des années et tellement de sensations que on n'arrive même pas à l'exprimer. Donc si on veut laisser un meilleur avenir pour une société idéale, ce serait toujours de faire un chiffrage de la richesse de la planète que nous avons. Donc, il est important d'ouvrir les yeux sur ce que nous avons et arrêter de nous mentir à nous-mêmes. Et ensuite, on enverra quelques mathématiciens, quelques comptables qui feront le chiffrage pour chaque individu, notre richesse, puisque moi, je me trouve propriétaire du pétrole qui est au Saudi Arabie, du pétrole qui est aux États-Unis. Je me trouve propriétaire du mur de Shanghai, je ne sais pas. Je suis propriétaire de la planète, puisque je suis un être humain qui vit, qui respire et qui communique avec les individus. Puisque nous pouvons parler la même langue, et puis il y a des gens qui ne parlent pas la même langue, donc il va falloir traduire pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre pour établir la société idéale. La société idéale, elle pourra être mise en place si chacun, on essaye de voir la lumière qui nous éclaircit comme le soleil, pouvoir mettre le doigt sur notre propriété. Parce que nous sommes propriétaires, nous sommes tous propriétaires de la planète. Donc, il est hors de question que ce soit 1% des gens qui détiennent toutes ces propriétés. Donc, si nous obéissons pas comme des moutons, à coup de Kalachnikov ou une bombe nucléaire ou ce que vous voulez, on peut toujours construire une société idéale. Le travail, c'est ce qui vient après. Mais tout d'abord, il faut d'abord faire l'état de lieu. On a besoin de faire l'état de lieu. Ensuite, on pourra construire la société idéale. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, merci pour l'intervention. Qui veut prendre la parole? Vas-y. Je rappelle à tout le monde que vous êtes libre de participer. Hein. C'est un débat où il n'y a pas d'intervenant particulier, donc n'hésitez pas à prendre la parole sur le thème du travail. Qu'est-ce que serait le travail dans la société idéale ? Je voulais reprendre un petit peu ce que tu as dit, dans le sens où oui, le travail, ce serait en fait pour mettre en valeur ce qui aurait été chiffré dans l'état des lieux, le mettre en valeur et le faire fructifier après d'une certaine façon. D'accord. Super. Et je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Sylvain par rapport au syndicat. C'est vrai qu'on avait dit que de toute façon, dans la société idéale, il n'y avait pas de salariat. Donc peut-être que l'instauration des règles ou des cadres qui permettent justement d'éviter que les gens s'entretuent pourrait être appliquée à tout type de rapport humain. Donc que finalement, ce soit dans le travail ou dans autre chose, on a exactement les mêmes règles. Et qu'il n'y a pas besoin de règles spécifiques pour une relation de travail que pour une autre relation. Voilà, donc ces règles restent à définir. Voilà. Merci. Donc moi, c'était juste pour rebondir sur les syndicats. Pour moi, les syndicats, c'est pas spécialement très démocratique, et en plus, c'est souvent les courroies de transmission des partis politiques. Hein, la charte d'Amiens, ils sont assis dessus. Pour moi, bon, il y a quelques, évidemment, hein, il y a quelques bons syndicalistes. Hein, on en connaît ici à Nuit Debout, hein, mais bon, il y a des poissons volants, et c'est pas la majorité du genre. Voilà, pour faire vite sur les syndicats, ce que j'en pense. Sinon, je voulais simplement faire une petite citation de Confucius sur le travail, là, pour lancer un peu le débat, si ça. Ça fonctionne. Donc Confucius, qu'est-ce qu'il disait sur le travail ? Il disait choisissez le travail que vous aimez et vous n'aurez plus à aller travailler une seule fois dans votre vie. Choisissez le travail que vous aimez et vous n'aurez plus à aller travailler une seule fois dans votre vie. Ouais, c'est vrai que j'avais un pote qui était comme ça, quoi, qui était ébéniste. D'ailleurs, il n'a pas trop galéré pour trouver du travail. Il a dû faire deux stations de métro et en même pas une journée, il a trouvé du boulot. Il était ébéniste et il me disait toujours. Moi, tu sais, quand je me lève le matin, je suis super content d'aller bosser, quoi. Bon, moi, personnellement, j'ai jamais connu ça dans tous les travaux que j'ai faits. Voilà, quoi. C'est toujours pareil. Hein. Il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité du genre. Voilà, c'est pour lancer un peu le débat, s'il y a des gens qui veulent rebondir là-dessus. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Nahabat. Aujourd'hui, je viens à Éduque Populaire, comme beaucoup d'autres jours. C'est la première fois que je prends la parole ici pour parler justement du thème d'aujourd'hui, le travail. Le travail, pour moi, c'est quoi ? C'est le plus grand mensonge, messieurs, dames. Pourquoi ? Pourquoi on travaille ? Quelqu'un peut répondre à cette question ? Pour avoir de l'argent. Pourquoi ? Pour pouvoir vivre ? Non, pour survivre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la vie d'un individu se résume à trois choses. Le travail qu'il fait, l'argent que ça lui rapporte et comment il va dépenser cet argent pour pouvoir survivre. Ça, c'est un gros problème. La société actuelle, elle est vicieuse dans le sens où c'est un cercle où les gens comme nous, qui se lèvent tous les matins, qui galèrent à aller travailler pour une misère, vont tourner en rond, se mordre la queue. Donc, pour un exemple type, bah, tu vas prendre un crédit pour t'acheter une voiture pour aller travailler, mais tu vas travailler pour rembourser ton crédit. Ou tu vas acheter une maison parce que tu as une femme et des enfants et qu'il leur faut de l'espace, et tu vas prendre un crédit, mais tu vas travailler encore pour rembourser ce crédit. Et ainsi de suite. Et le problème réel du travail au jour d'aujourd'hui, c'est pas son accessibilité, ça aucunement, parce que moi-même étant SDF, j'ai vécu pas mal de temps, comme les gens ici qui me connaissent le savent, à dormir dans mon duvet devant Orange là-bas. Là. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai trouvé du travail, hein, je suis intermittent du spectacle, tout ça, mais je me retrouve à une nouvelle problématique, c'est-à-dire qu'en tant que SDF, je vivais largement mieux qu'en tant que travailleur. Pourquoi ? Bah parce que au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression de me lever tous les matins pour faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, parce que en gros, gagner de l'argent, c'est pas notre objectif à tous. On a des objectifs dans notre vie, mais gagner de l'argent, c'est pas un objectif, c'est pas une façon de vivre, c'est une contrainte imposée par un système budgétaire qui est très lourd dans le sens où quelqu'un qui va être malade et qui n'aura pas de sécurité sociale ne pourra même pas accéder aux soins s'il n'a pas d'argent pour rembourser cela. Ou on peut même voir des individus qui ne peuvent pas se nourrir, qui vont aller voler un paquet de pâtes à 30 centimes dans un magasin, qui vont faire 4 mois de prison. Ça, c'est un réel problème. Le travail, c'est quelque chose, c'est une grande gamme généralisée qui cache un peu tous ces problèmes-là du quotidien. Pour, Pourquoi? Bah parce que les gens ils disent lui bah s'il vole c'est parce qu'il a pas de travail. Lui s'il vit dans la rue c'est parce qu'il a pas de travail. Non, c'est pas ça. À un moment donné, tu peux avoir du travail et être dans la rue. Je connais énormément de gens qui travaillent même à des endroits bien. J'ai un ami à moi qui dormait à Orange et qui était agent de sécurité à Roissy. Hein, tous les matins, on le voyait se lever à 5h pour aller au travail et tous les soirs quand il rentrait, il faisait la manche pour pouvoir manger. Donc le travail ne résout pas tout. Le travail en fait, c'est un problème. Les gens pensent que c'est une solution. Non, c'est un problème. Parce qu'une fois que tu commences à rentrer dans cette fameuse solution, entre guillemets, bah, tu te retrouves dans un énorme problème. Et cet énorme problème, c'est le fait de ne plus pouvoir vivre en tant qu'individu libre. C'est-à-dire que toute ta vie, tu es réprimé. Tu n'as pas le droit de penser comme tu en as envie, parce que tu dois faire ce que ton patron a décidé que tu devais faire. Parce que sinon, tu es contre-productif. On va revenir à la loi 49.3, c'est encore pire au jour d'aujourd'hui. À une époque, nos parents, ils ont connu les patrons, les banquiers, les trucs comme ça qui étaient dans le social. Ces gens qui prenaient le temps de parler avec leurs employés, de comprendre. Au jour d'aujourd'hui, allez voir n'importe quel patron, je vous donne en mille, il connaît même pas 50 de ses employés. Ça, c'est une réalité. Elle est dure, mais c'est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils font des lettres de motivation. Ça, ça me fait rigoler. J'ai un ami à moi hier, maintenant je vis en squat, qui a fait une candidature pour Deliveroo, qui m'a demandé... Nahabat, moi je parle pas bien français, tu peux m'écrire ma lettre de motivation? J'ai rigolé, il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit, mais tu crois vraiment que ta lettre de motivation elle va être lue? C'est un argument ça, c'est quelque chose qui fait que le patron va le mettre. T'as l'impression que le patron s'intéresse à toi, il va lire ta lettre de motivation? Non, il s'en fout. Il s'en bat royalement les couilles de savoir si t'es étudiant, ou si t'es SDF, ou si t'es motivé ou pas. Lui ce qu'il voit en fait, c'est que toi, t'es là, à un point A, tu peux aller au point B et lui rapporter autant du point A au point B. Voilà ce qui l'intéresse. Et c'est ça le problème. C'est que tant que le travail se résume à écouter ce qu'on te dit, faire ce qu'on te dit pour pouvoir survivre, et en même temps continuer à enrichir la vie d'un individu qui, lui, ne travaille pas forcément avec la même intensité que toi, on va pas se mentir, hein, parce que moi, je suis intermittent du spectacle, je pars pas souvent en vacances. Hein. Par contre, je travaille pour la salle des spectacles de Montreuil. Je peux vous dire que le maire de Montreuil, il revient de 2 semaines à Haïti. Bon, à un moment donné, voilà. Ça, c'est une réalité. C'est une causalité même, je dirais. Une causalité qui est entraînée par quoi? Qui est entraînée par l'évolution du monde actuel, de l'économie capitaliste dans laquelle on est enfermé au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a accepté. C'est ça qui est dur. Parce qu'on l'a accepté. À un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui ont été au pouvoir, des individus très scrupuleux, hein, qui nous ont dit... Ouais, mais moi je propose ça, je propose ça, je propose ça, je veux du travail pour tout le monde. Non, arrêtez ça. À un moment donné, moi je donnerai du crédit à celui qui viendra me voir un jour et qui me dira, moi je vais me présenter aux élections parce que j'en ai marre de voir des gens qui se tuent au travail et qui peuvent même pas vivre leur vie comme ils en ont envie. Vous savez, j'ai une phrase de Victor Hugo que j'adore qui dit, trouver des gens vivants en ce monde est devenu chose très rare car la plupart des individus se contentent juste d'exister. Et ça, c'est une phrase qui date d'il y a très longtemps, mais pourtant qui s'applique encore au jour d'aujourd'hui. Là est le problème. Au jour d'aujourd'hui, si on veut changer les choses, il faut que nous, nous arrêtions d'accepter cela. Pas dans la violence ou quoi que ce soit, ça résout rien. C'est un gros bémol. La violence, ça entraîne que la violence. Là où on peut faire quelque chose d'efficace, c'est dans la mobilisation générale. C'est-à-dire être capable de se regrouper en tant qu'individu, comme l'a dit le collègue là-bas. Moi je suis amérindien, ça fait 7 ans que je suis en France, j'ai jamais été à l'école de ma vie. J'ai appris dans les bouquins tout seul ou avec des gens dans la rue. Depuis que je suis en France, je vis dans la rue. J'ai appris avec des gens qui étaient SDF. Une petite dame qui s'appelle Geneviève Blanchet, qui dormait avec moi à Orange à une époque, qui au jour d'aujourd'hui, paix à son âme, est décédée. Vous savez de quoi elle est morte? De froid. L'hiver dernier. Cette dame-là, elle avait un bac plus 3, elle était professeure des écoles. Jusqu'au jour où elle a eu le malheur de dire à son patron, je ne suis pas d'accord avec le programme éducatif que vous proposez parce qu'il n'est pas bénéfique pour les enfants. Cette personne s'est fait virer. Suite à ça, elle est morte dans la rue. Voilà le réel problème. C'est pas le travail le problème. Ça, c'est... Je vais me tuer à le dire. S'il faut que je vienne à toutes les éduc-pop pour le dire, je le dirai. Le problème, c'est l'acceptation de la situation dans laquelle on est en ce moment. Et ça, personne d'autre que nous-mêmes ne peut le changer. On peut faire ce qu'on veut, hein. Voter, si ça changeait quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Hein. C'est Coluche qui l'a dit. À un moment donné, faut arrêter de faire confiance. Faut prendre les choses en main. Faut se dire, c'est notre avenir, c'est notre vie. Faut arrêter de confier ça à la gérance, ou même à l'ingérence, je dirais, d'un individu lambda. C'est pas parce que quelqu'un il a fait des études qu'il va forcément être surqualifié par rapport à nous. Moi j'ai jamais été à l'école, ça m'est déjà arrivé de parler avec des gens qui m'ont dit j'aime bien parler avec toi parce que j'apprends des choses. Comme moi, ça m'intéresse de parler avec des gens et d'apprendre des choses. Ça, c'est la véritable richesse. Et c'est cette richesse-là qu'on n'acquiert pas avec le travail. Parce que le travail, c'est aussi un frein social. Quand un individu il se lève tous les matins à 5 heures pour aller travailler sur son chantier, quand il est plombier ou autre, un métier bien ingrat, je vous le dirai, j'en connais pas mal, de se lever à 5 heures, de bosser jusqu'à 22 heures, et ça du lundi au samedi, et parfois même le dimanche, quand le pauvre monsieur ou la pauvre femme n'a pas assez d'argent pour pouvoir nourrir ses enfants et qu'elle est obligée de faire des heures supplémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une condition qui a été créée qui fait qu'en tant qu'individu, on est prêt à renier notre propre droit d'humain qui est de vivre pour pouvoir subsister à nos besoins. Est-ce que vous vous rendez compte? Au jour d'aujourd'hui, on se prive de notre vie pour pouvoir survivre. Là est le réel problème. Donc voilà, c'est tout ce que je tenais à vous dire. Merci à vous. Merci. Donc, aujourd'hui, vous êtes à commission d'éducation populaire à l'atelier Quelle société veut-on. Aujourd'hui, on fait un deuxième week-end sur le travail. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous faites un signe de main et vous avez la parole. Vous inquiétez pas, on ne mord pas, on ne mange pas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans problème. Voilà. Je sais pas, je me méfie quand même. Moi, je voulais faire, comme d'habitude, le vieux débris, l'ancêtre. Dire, dans l'humanité, on n'a pas attendu qu'il y ait de l'argent pour travailler. Il y a eu, pendant des milliers et des milliers, sinon des millions d'années, les gens ont travaillé. Parce que travailler, ça veut dire transformer la nature. Mais à partir du moment où on ne travaille pas pour transformer la nature, mais pour de l'argent, on n'est pas un travailleur, on est un mercenaire. Parce qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de mal. Avec le travail, on peut faire de mal à personne. Et je crois qu'il faudrait commencer par éliminer tout le, les armées, les bombes, les fabricants d'armes, etc. Et pour être dans l'actualité, on pourrait faire un revenu universel de 5000 euros pour tout le monde, comme certaines. Oui, s'il n'y a plus besoin de faire des armes, on a beaucoup de temps libre, on peut partager le travail qu'il y a. Et en fait, si c'est pour manger, on en a besoin tous les jours. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. En ville, c'est compliqué, mais dans les villages, à partir du moment où on est entouré par la nature, on trouve toujours à manger, avec un minimum de travail. Oui. Et pour faire une maison, on fait une maison une fois dans sa vie. Et c'est comme c'était il y a très longtemps en Europe, mais que c'est encore le cas en Afrique, par exemple. Tout le village, si quelqu'un, deux personnes se marient, ils ont besoin d'une maison, tout le village se met à construire la maison. Et c'est pas du travail. Après, on fait la fête et tout va bien. Le problème, c'est l'argent, mais qu'on peut résoudre, qu'il y a déjà plein de gens qui arrivent à s'en passer, dans le sens où il y a les monnaies complémentaires. Il y a beaucoup de choses qu'on peut échanger. Dans beaucoup de pays, de villages, et un petit peu dans les banlieues, et en particulier à Montreuil, où on peut échanger beaucoup de choses. On peut prêter son matériel, on peut échanger des savoirs, échanger de tout ce qu'on veut avec une monnaie locale, c'est-à-dire pas l'euro. L'euro, on en a encore besoin pour acheter de l'essence, par exemple, si on a une voiture. Mais pour la plupart des choses du quotidien, on n'a pas besoin d'euros. On a besoin de rencontrer des gens qui savent faire le travail. Et on a besoin de savoir faire quelque chose. Parce que c'est l'échange qui fait le travail, qui fait la valeur du travail. C'est pas l'argent. Merci. Donc je vous rappelle, si vous voulez prendre la parole ou même faire des réponses à ce qui a été dit, vous me dites et vous avez la parole. Ouais, je pense que l'un des problèmes aussi du travail, c'est que quand on parle aujourd'hui du marché du travail, donc le travail en fait, c'est devenu une marchandise. Et comme disait le monsieur tout à l'heure, aujourd'hui, la vie de l'essentiel des individus se résume à est-ce que tu travailles, combien tu gagnes et comment tu dépenses. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait faire en sorte que le travail cesse de devenir une marchandise et qu'on considère les êtres humains non plus comme des moyens, mais comme des fins. Et qu'on ne soit plus obligé de se vendre sur le marché comme une marchandise, de louer sa force de travail. Et voilà, je pense que voilà, c'est juste ce que je veux dire, c'est de repenser le travail et repenser le rapport qu'on a avec le travail, parce que ça implique le rapport que les êtres humains ont entre eux. Et si tu regardes l'autre uniquement comme un moyen et pas comme une fin, donc du coup tu deviens un objet, tu perds ta dignité et effectivement t'es maltraité, quoi. Voilà. Merci. Qui veut prendre la parole? Ouais, c'est ça, c'est ce que disait Marx quand il parlait du capitalisme et dans le capital, hein, ce qu'il appelle le fétichisme de la marchandise, c'est que avec le capitalisme, tout devient marchandise, même l'homme qui est obligé de se vendre comme une marchandise sur le marché du travail, quoi. Ça choque personne, mais c'est grave, quoi. Parce que l'homme, ça devient un objet, une marchandise, quoi. Il vend sa force de travail. Donc je vais revenir un peu au 18e, puisque je parle de Marx, et je vais d'abord parler d'Adam Smith, qui lui, dans le travail, il regardait la construction c'était le début du capitalisme, de l'industrialisation, et c'était le début du travail un peu à la chaîne, et pas de la division du travail, parce que la division du travail, elle existe depuis très très longtemps, même Platon, il en parlait déjà à l'époque des Grecs. Mais Adam Smith, lui, parle du travail à la chaîne. Il regardait la façon dont étaient fabriquées des aiguilles. Et donc, il y avait une personne qui faisait la tige, une autre qui faisait le bout de l'aiguille, et après, ils assemblaient. Enfin, bon, voilà. Il montrait comment... Il décrit la phase de construction d'une aiguille, quoi, dans une construction, dans le début de l'industrialisation, quoi. C'était les aiguilles qu'on construisait à la chaîne. Et lui, comme il voyait la chaîne, il vantait justement la productivité, quoi. Il disait, c'est génial, il y a plus de productivité quand les gens, quand on fait du travail à la chaîne, quoi. Et les gens, ils ont même plus besoin de penser, quoi. Seulement, un siècle après, Marx, il a un copain qui s'appelle Engels. Et ce monsieur Engels, il est son père. Il est propriétaire d'une grosse manufacture de textiles à Manchester. Et Marx, lui, il va voir autre chose, quoi. Il va voir une condition de travail exécrable, quoi. Et le pire, justement, le fait qu'on ait des machines pour faire le textile et qu'on fasse un peu ce travail à la chaîne, mais ça devient quand même déjà... C'est l'industrialisation, hein. C'est après la deuxième moitié du 19e, hein, quand Marx va voir ça, quoi, avec Engels. Et c'est super grave, parce que on n'a plus besoin de force pour travailler, puisque c'est des machines qui travaillent à notre place, et en plus, on n'a plus besoin de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les capitalistes? Parce que les capitalistes, ils s'en foutent, hein, des gens. Hein. Ce qu'ils font, ils font travailler l'enfant, la femme et l'homme, quoi. C'est-à-dire que toute la famille va au travail. C'est l'époque où des tout petits enfants, ils allaient travailler, hein, mais des tout petits, hein. C'était super grave, quoi. Et donc, voilà, quoi, le travail à la chaîne, la productivité, il n'y a pas que ça, quoi. C'est que le problème, c'est qu'on finit par envoyer toute une famille au travail, des enfants, c'est horrible, quoi. Les enfants qui allaient travailler, normalement, un enfant, il doit aller à l'école, il doit s'amuser. Et ben non, dès leur plus jeune âge, ils allaient travailler, quoi. Ils étaient obligés. Alors, comment ils faisaient pour ça, pour obliger les gens à travailler? C'est là que le salariat, et que Marx parle du salariat comme un chantage, quoi. C'est que, comme même de l'esclavage, c'est que les gens, pour manger, avant, il y avait une personne qui avait un salaire pour aller manger. Et puis avec ça, il lui donnait, comme disait Nabat tout à l'heure, juste de quoi nourrir, de se nourrir, d'exister, comme disait Nabat tout à l'heure, très, très judicieusement. Mais après, ce qu'ils ont fait, c'est que au lieu de donner le salaire pour eux, pour faire vivre une personne, c'était toute la famille qui avait besoin d'aller travailler pour faire vivre la famille, quoi. C'était plus une seule personne, ce qui fait que tout le monde est obligé à travailler, même l'enfant et la femme, voilà. Donc voilà, les progrès techniques les machines, ça peut avoir des travers assez assez graves, quoi, voilà. Pour parler de voilà. Merci. Merci. Bon, Ah, attends. Allez-y. Oui, bonjour. Je suis pas de Paris, je suis de Nantes, enfin à côté de Nantes. Je vis dans une petite commune de 3000 habitants. Donc, je voulais dire que le travail, c'est beau quand même. On s'épanouit dans le travail. Moi, je suis à mon compte depuis 12 ans. 12 ans. Bon, j'emploie personne. J'aimerais employer des personnes, mais bon, je suis pour l'instant tout seul. Et donc, voilà, ça tourne. Et voilà, moi, je m'épanouis. Hein. Et je fais des activités à côté. Et le travail, c'est pas non plus... la mort, hein. Et on avance, et voilà, donc, voilà. Et c'est quand même le travail qui a permis aux femmes de devenir des femmes, parce que avant, comme vous disiez, elles ne travaillaient pas, et c'était personne, c'était, elles étaient dépendantes des hommes, comme d'habitude. Merci. Attends, il y a plein de tours de parole, donc tu vas devoir attendre. Je vais répondre vite fait. Ah, je vais juste faire une petite réponse directe pour la dame qui défendait les droits des femmes et pour le monsieur qui défendait le fait que le travail est la vie. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, le travail, c'est la vie, c'est l'épanouissement à un moment donné. Mais il ne faut pas oublier que travailler, c'est un fait, mais que se tuer au travail en est un autre. Il y a des gens qui travaillent... Non, attention, moi, je suis intermittent du spectacle. D'accord ? Moi, je me tue au travail. Personnellement, je le dis. Je porte... Non, on ne change pas de métier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que je fais me plaît. Laissez-moi finir. Justement, moi, le métier que je fais me plaît. Je me tue au travail, mais ça m'éclate. Je travaille avec des gens de tous les horizons. Il y a de tout. Et ça, c'est m'éclate. Mais le fait qu'on pointe aujourd'hui, ce n'est pas le problème du travail. Le travail, c'est quelque chose de bénéfique à un moment donné, parce que ça apprend, ça apporte quelque chose, une expérience bénéfique. Ce qu'on condamne, c'est le fait qu'à un moment donné, le travail devienne une obligation pour certains gens pour pouvoir vivre ou survivre. C'est là que ça devient dangereux. Parce qu'il y a des gens, chacun choisit, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément les bonnes clés. Vous avez réussi, moi j'ai réussi aussi. Il n'y a pas de problème là-dessus. On n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Ce que je dis en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui travaillent, qui sont contents de travailler, il y en a qui travaillent pour une misère. Au jour d'aujourd'hui, combien est payé un pompier pour sauver des vies? Beaucoup moins. Qu'un politicien ou autre. Alors que ces gens sauvent des vies. Un médecin sauve des vies. Des professeurs sauvent des vies. Parce que les professeurs donnent les clés de la réussite aux jeunes gens dans l'éducation. C'est là. Le fait qu'on pointe, c'est l'inégalité au sein même du travail. On ne pointe pas le travail. On pointe le fait qu'il y a des gens qui sont payés 12 millions... Attendez. On pointe le fait... Moi, je vais pointer le fait qu'il y a des gens qui sont payés entre 12 et 13 millions pour être assis à une chaise et voter des lois. Alors qu'il y a des gens qui se tuent et qui font des belles choses dans leur vie et qui ne sont pas récompensés pour ça. Et c'est ça qu'on pointe. Je suis entièrement d'accord avec vous, le travail c'est quelque chose de bénéfique. Même moi j'en tire quelque chose de bénéfique. C'est ça le problème. Non mais juste pour dire, moi ça fait 12 ans que j'ai des stagiaires. J'ai des stagiaires de Russie, j'ai des stagiaires brésiliennes, j'ai des stagiaires anglaises, j'ai des stagiaires polonaises. Juste pour les aider, hein? Et moi je les récompense pendant 2 mois, et après elles font des études en France, et après elles vont en Russie, elles vont en Pologne, elles vont... Moi je les aide, c'est tout. Et je demande rien. Et je suis actif, c'est tout. Bon, faut être dans l'avancement, et puis il faut pas toujours parler pendant des heures et des heures. Ben, je voudrais bien avoir une salariée. Et il faut déjà trouver les salariés. Parce que moi, je suis dans une petite commune de 3000 habitants. Il n'y a personne qui se présente. Mais les stagiaires, vous les payez combien? Les stagiaires? Je les paye combien 2 mois, vous payez rien 2 mois. Hein? Ah, c'est moi. Non, mais je veux déjà dire, les stagiaires, elles m'apportent ou pas? Les stagiaires, elles m'apportent ou pas? Moi, c'est pour les aider. Elles vont m'aider après? Non, moi, c'est pour les aider. À tout le monde, s'il vous plaît, il y a des règles dans la Duke Pop. on laisse parler les gens, et si vous voulez parler après, c'est après la parole, ou sinon c'est à côté si vous voulez faire du monologue avec la personne. Merci. Donc on va continuer les tours de parole, c'était à Mister là-bas, et après je te mets à toi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de ceux qui sont pour le travail ou ceux qui sont contre le travail. Le travail, c'est un truc ambivalent qui peut être une activité émancipatrice quand elle est faite avec plaisir, joie et liberté. Et ça peut être une activité d'aliénation quand elle est imposée et quand elle est mal vécue. Moi, je voulais juste revenir par rapport à l'intervention qui avait été faite par rapport au travail des femmes, dans le sens où le travail des femmes avait permis aux femmes de s'émanciper. Et ça fait le lien avec le fameux texte dont je citais de Jacques Ellul, quand il parlait de l'idéologie du travail, où il citait justement l'exemple de Gisèle Halimi, qui à l'époque proclamait que la liberté et l'émancipation des femmes passaient par leur émancipation professionnelle, par le fait qu'elles travaillent, qu'elles aient un salaire, et que grâce à ça, elles obtiennent leur autonomie financière, économique, sociale et culturelle. Et ce que dit Jacques Ellul, c'est que, en réalité, auparavant, les femmes, c'est-à-dire que le travail des femmes à la maison était considéré comme un non-travail. Et le scandale, il était là, en fait. C'est le fait que les femmes, avant d'entrer sur le marché du travail, travaillaient, mais elles n'avaient aucun revenu pour ça. C'est-à-dire que le marché ne rémunérait que le mari qui travaillait dans l'usine. Mais la femme qui faisait tout le travail à la maison, elle, n'avait aucune rémunération. Et le scandale, il était là. Et au lieu d'avoir défendu ça, on a préféré finalement inciter la femme à entrer sur le marché du travail en lui disant que par là, elle s'émancipera, mais en oubliant que le travail à la maison restera à faire et qu'il ne sera toujours pas rémunéré. Donc tout ça pour dire que méfions-nous de cette idéologie du travail et ne dévalorisons pas le travail non rémunéré, et notamment le travail des personnes qui s'occupent de parents, qui s'occupent de leurs enfants, qui s'occupent... voilà. Il y a des personnes avant toi, je te passe. Alors, à toi. C'est après, deux secondes. Tout à fait, moi aussi je voulais rebondir justement sur le fait que le travail ait pu émanciper les femmes. Parce que c'est... Si le travail a pu émanciper les femmes, comme on le dit, c'est parce que il y avait déjà le travail avant auquel pouvaient accéder les hommes et que c'était par là que eux avaient un certain pouvoir. Mais en fait, le pouvoir reste dans ceux qui contrôlent le fait qu'il y ait du travail donné ou pas. Donc en fait, c'est juste qu'elles sont rentrées dans le système, donc elles ont une place dans ce système-là, mais elles sont pas plus. Elles sont aliénées maintenant au système, alors qu'avant elles ne l'étaient pas. On peut voir ça aussi comme ça. Et donc sur le fait que le travail puisse être émancipateur. Oui, à condition qu'il ne rentre pas dans ce système économique, puisque ce système économique, à la base, est contrôlé par d'autres. Merci. Merci. Merci, merci. Donc là, on est parti du travail jusqu'à débat entre les femmes et les hommes, et puis le travail, l'évolution de l'intégration de la femme dans le monde du travail. Et ça, c'est grâce à la guerre, parce qu'il n'y avait plus des hommes pour fabriquer des munitions et des armes. Merci à la guerre. La guerre a toujours évolué les êtres humains parce qu'en fait, grâce à la guerre, nous avons la modernité, la technologie et toutes ces machines aujourd'hui qui transforment et qui prennent le travail des êtres humains. Et donc, du coup, dans le futur, on aura de moins en moins de travail et de plus en plus de chômage, qui est une réalité. Une triste réalité parce que dans le sens où nous sommes en train de développer des machines, des robots, donc qui vont remplacer les êtres humains dans les grandes industries. Vous allez me payer le droit d'auteur, monsieur. Oui, oui. Non, j'ai rien à dire, monsieur. Ouais, je vous ai déjà vu, mais s'il vous plaît, coupez. Coupez, je me rappelle, coupez. Merci beaucoup. Éthiopien. Je ne suis pas éthiopien, moi je suis citoyen du monde. Je suis propriétaire de Paris, de la Tour Eiffel. Je suis propriétaire d'Allemagne. Je suis propriétaire de Saudi Arabie. Je suis propriétaire de Canada, des États-Unis, de Japon. Je suis propriétaire de la planète. Oui. Alors, si vous voulez me faire la guerre, je suis là. Alors, j'ai pas fini. Donc, le travail, avec le travail, on s'oublie. On se déshumanise. Donc, si vous voulez trouver un travail dans lequel vous... comment vous dire? Le travail... Aide-moi. Le travail est censé de s'épanouir. Voilà, l'épanouissement. Donc... pardon? Émancipation par le travail, exactement. Merci beaucoup. Donc, le travail est censé de tirer l'être humain vers le haut et tout en se respectant l'un et l'autre. Et toutes les choses doivent se passer dans la paix. Mais bon, les armes aussi, ils ont fait avancer l'être humain jusqu'à arriver dans le confort où nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons aller de la France aux États-Unis grâce à l'avion. Donc l'avion... Avant, ils étaient utilisés pour bombarder. Donc, c'est le travail qui a fait qu'aujourd'hui, on est là, avec le confort que nous vivons. Donc, on ne peut pas cracher sur le travail. Mais, nous pouvons voir comment... C'est, voilà, comment essayer d'épanouir. Parce que nous ne sommes pas là pour 1000 ou 2000 ou 3000 ans. Nous vivons des années... moins de 100 ans. Voilà, il faut savoir ça. Donc, à quoi ça sert d'avoir toute la richesse du monde si c'est pour mourir ensuite et les laisser derrière? Bon, les pharaons ont fait en sorte que toute leur richesse, ça le suit jusqu'à leur tombe. Même les gens vivants. Il faut évoluer avec son temps. Aujourd'hui, il est important d'ouvrir les yeux et de voir. Il y a des gens qui souffrent dehors, dans le froid. Comme il disait, il témoignait, une personne, juste en refusant qu'elle ne peut pas, elle peut pas appliquer cette nouvelle éducation qui n'est pas bénéfique pour les enfants, pour ceux qui ont, qui pour la relève, moi j'appellerais la relève du futur. Donc une personne a risqué et puis... est morte en dignité. Moi, j'appellerais, c'est une guerrière. C'est une guerrière. Parce qu'il faut se battre jusqu'à la mort pour son droit. Le droit est une loi. Est une loi. Donc, arrêtons de marmouter comme des moutons. On n'est pas des moutons. Il faut réveiller la conscience. La conscience est endormie alors qu'il est, et elle est occupée un peu partout, éloignée de la réalité, partout où vous pouvez vous voir. Et... est boycotté par la télé et tout ce que vous voulez. Donc, il est temps de mettre le doigt où ça fait mal pour ensuite de voir un peu plus clair. Donc, le travail, on ne peut pas cracher sur le travail. Le travail, c'est la santé. Il faut la préserver. Mais savoir travailler ensemble, monsieur. Vous, pourquoi vous voulez me filmer? C'est la santé. Faire, c'est... servez, voilà. Vous savez. Donc je vous en remercie. Sur ce, je laisse les paroles. Merci. Donc ceux qui veulent parler peuvent. Ouais, Pierre, attends, je vais prendre un peu la parole avant. Allez, Inch'Allah. Après, je pense que moi, en fait, le travail en même n'est pas une maladie ou un truc incurable. Moi, je dis, le problème qu'il y a dans le travail, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un mode où il faut de la production, être le meilleur, etc. Et c'est ce système-là qui fait que le travail, aujourd'hui, n'est pas dans la bonne forme. C'est que si on retire cette... Si on met chacun qui... on met plus d'objectifs de production, où il faut produire absolument un masse, il faut être rentable, où faut faire gagner de l'entreprise, faut faire gagner du pognon à ton patron. Tant qu'on aura toujours cette façon-là de voir la chose et de voir le travail, de toute façon, le travail, ça sera toujours un travail. Après, on peut toujours être très bien dans ce travail, mais ça sera pas un travail, on pourra s'épanouir à 100% dans notre boulot. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas viré cette façon-là qu'il y a dans le travail, ça passera jamais le travail. Ça sera toujours pas un super bon travail pour moi, je pense. Donc, qui veut prendre la parole? À toi, qui veut prendre? Ouais, je veux bien prendre la parole s'il n'y a personne. C'était pour parler de la prison, du travail dans la prison. C'est Michel Foucault dans Surveiller et punir qui parle de ça. Il dit en fait, ils ont mis le travail dans les prisons, mais parce que le travail dans les prisons, c'est super bien, quoi. Ça permet de, aux gens de les occuper, quoi. Comme ça, ils réfléchissent pas, quoi. Le travail, c'est ça aussi, hein. Ça permet d'occuper, comme ça, on réfléchit pas, quoi. Faut rappeler, ça conditionne les gens, quoi. Le mec, il est obligé de se lever le matin, etc. Il a des horaires fixes et tout, il est conditionné. Il réfléchit pas, quoi. Et il apprend à obéir d'une façon plus subtile, quoi. Voilà. C'est Michel Foucault qui faisait remarquer ça dans Surveiller et punir. Donc voilà, je lance ce débat sur aussi le travail comme apprentissage à la soumission et puis comme quelque chose qui fait qu'on réfléchit pas, quoi, parce qu'on est tout le temps actif, etc., quoi. Et donc voilà, quoi. C'est Robert Linhart aussi, là, il a écrit un livre qui s'appelle L'Établi, quoi. C'était en fait des maoïstes qui 68 ans, un télo qui avait fait normal sup et tout, qui avait un bon niveau, qui allait dans les usines pour aller travailler avec les travailleurs, pour voir, pour se mettre vraiment avec les travailleurs, à essayer de monter des grèves, etc., et voir un peu aussi ce que c'était réellement les conditions de travail. Et il racontait que ses premiers jours de travail, quoi, il a été juste à côté de chez lui, hein, on était en 69, donc c'était assez facile de trouver du travail à l'époque. Donc il a été chez, il me semble, Citroën, pas loin de la porte d'Ivry, dans le 13e. Là. Et donc il a été... Il s'est fait embaucher exprès comme ça pour voir ce que c'était, etc. Il racontait que quand il rentrait le soir, alors que c'était un intellectuel, il était habitué à lire et tout, il racontait que quand il y rentrait le soir, et encore parce qu'il était blanc dans cette usine Citroën et qu'il n'était pas immigré turc ou yougoslave ou etc. C'est même pas histoire de blanc, c'est qu'il n'était pas immigré, quoi, parce qu'il y avait beaucoup d'immigrés. Il avait réussi à avoir un travail un peu plus sympa. Mais il racontait qu'il était tellement fatigué quand il rentrait le soir de ses journées qu'il avait autre chose à faire, qu'il était incapable de lire ou d'écrire, quoi. C'est voilà, quoi, c'est pour dire que le travail, pour réfléchir quand on est au travail, bah ça, c'est voilà, c'était juste pour faire cette remarque par rapport à Michel Foucault qui disait qu'on mettait les gens qu'on faisait travailler les gens dans les prisons pour qu'ils soient occupés, pour pas qu'ils réfléchissent, pour qu'ils apprennent la soumission de façon plus subtile et qu'ils soient bien conditionnés, quoi. Voilà. Voilà pour faire rebondir s'il y a des gens qui veulent rebondir là-dessus. Merci. Donc je vois les gens derrière, si vous pouvez vous rapprocher, il n'y a pas de souci, on ne mange pas, on mord pas. Donc si vous avez envie de vous rapprocher, prendre la parole, faites-moi un signe. Bon, Khaled, je vais rebondir. J'aime bien le débat que tu as lancé. Parce que moi, depuis que je suis arrivé en France, ça fait 7 ans, en tant qu'autodidacte, je me suis intéressé à un truc très élémentaire. Au niveau de ce qu'on peut, de manière préconceptuelle, appeler une civilisation évoluée. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, si moi j'ai un enfant... Il va aller à l'école. Mais qu'est-ce qu'on va lui apprendre à l'école ? Parce que l'école, c'est fait pour apprendre la vie. On est d'accord. C'est fait pour te préparer à t'intégrer dans un monde. Voilà ce qu'ils disent aux parents. La problématique, c'est pas ça. La problématique, elle est que quand un enfant va aller à l'école, on va lui apprendre quoi ? On va lui apprendre que dans la vie, il faut que tu saches parler français si tu veux travailler. Il faut que tu saches compter si tu veux pouvoir faire des économies. Toutes ces choses-là. En fait, l'école, aujourd'hui, l'éducation nationale est l'une des rares choses au monde, je dis bien au monde, hein, parce que je prends une généralité globale, qui n'a pas évolué en presque deux siècles. C'est quoi ça ? À un moment donné, il y a des gamins qui vont arriver au lycée, à qui on va dire, bah tiens, t'as rendez-vous avec, je sais plus comment ça s'appelle, parce que moi j'ai jamais été à l'école, je crois que c'est conseiller d'orientation et... un autre truc comme ça, bref. Une personne, en gros, qui va aller voir le gamin et qui va mettre un bordel monstre dans sa tête, c'est-à-dire... Elle va aller voir le gamin, il va lui dire « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, petit gars ?» Puis le gamin, qui est plein de rêves et qui toute sa vie a vécu dans le cocon doré de l'enfance, va dire « Bah, je sais pas, moi, plus tard, j'ai envie de prendre un truc mirobolique, astronaute. » Astronaute. Le gamin, il va faire des études. Il va rentrer dans un cercle d'apprentissage. Pas pour faire astronaute, pour rentrer le mieux possible dans la catégorie qui va faire qu'il va être bien soumis en tant qu'astronaute. C'est ça, le problème. Le problème, il est qu'après, ce gamin-là, il va faire des études. Et ça, c'est le principe. Il est pour ce principe-là, il s'applique à toutes les études. Maths, études L, littéraires, je crois que ça s'appelle comme ça. Plein d'autres études qui font que ce gamin, il va se retrouver dans une classe. Et que si ce gamin, malheureusement, dans son rêve, n'a pas été bien préparé, il va se retrouver largué. Largué dans le sens où, dans une classe de 35 élèves qui passent leurs examens pour avoir leur diplôme et pour pouvoir travailler justement dans le domaine qui les intéresse. Le pauvre gamin qui va avoir la malchance de faire, la moyenne de 20 à son examen, qui va avoir la malchance de faire 9,75, on va lui dire quoi ? On va lui dire, bah écoute gamin, t'as pas les capacités pour faire ça parce que t'as 0,25 points en moins. Donc à un moment donné, l'éducation nationale, au jour d'aujourd'hui, elle n'a pas le bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'encourager un enfant à poursuivre son rêve et à avancer vers son objectif, elle va lui mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que si le gamin, il n'a pas la moyenne scolaire ou autre, qu'il n'arrive pas à passer son diplôme, on va lui dire « t'as pas eu ton diplôme, t'es pas assez qualifié pour faire ça ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, on condamne le fait que n'importe quel individu peut avoir un retard d'apprentissage. Un retard d'apprentissage, ça consiste en quoi? Moi, je suis intermittent du spectacle et je demande à mes collègues de me faire mes fiches de paye parce que quand j'écris, je fais 15 fautes par mot. Voilà. Ça, au jour d'aujourd'hui, c'est un très très gros problème. Et ça s'applique à tous les enfants. Et ces enfants-là, quand on brise leurs rêves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à faire des études. Sauf que derrière, ils vont entrer dans des études qui vont être plus faciles pour eux, mais qui ne vont pas forcément les orienter vers leur objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle de la manipulation de masse. C'est-à-dire que cet enfant à qui on a cassé son rêve, ils vont le casser, ils vont le reconstruire pour que le garçon ou la fille en question rentre dans le schéma qu'ils ont envie d'appliquer. C'est-à-dire que le gars qui est bon en maths et qui va dire « moi, je veux faire des études littéraires », mais qui est pourri en français, on va lui dire « mais pourquoi tu fais des études littéraires ?»« Non, va faire des études de maths pour faire banquier, économie, je sais pas quoi. » Non, ça c'est le gros problème. C'est qu'à un moment donné, l'éducation, elle a dévié de son objectif principal. L'éducation qui est censée donner les clés de la réussite à des enfants ou à des individus, parce qu'il y a aussi des individus qui étudient. Voilà. Moi, j'ai fait un CAP cuisine que j'ai eu grâce à la pratique, parce que j'avais 1,5 de moyenne en français à cause de l'écrit. J'ai vu des gens qui ont raté leur CAP parce qu'ils ont foiré une cuisson ou un truc comme ça. C'est dur. Ça veut dire que ce mec-là, il est condamné à ne pas avoir son diplôme, à ne pas pouvoir travailler avec un diplôme en cuisine parce qu'il a raté une cuisson. Et ça, même s'il a eu 20 sur 20 toute l'année dans ses travaux pratiques. Là est le réel problème. Et cet enfant-là, qui est évidemment la relève, qui est le futur, parce que c'est ces gens-là qui vont construire le monde de demain. Ces enfants, justement, qui vont à l'école tous les jours et qui apprennent le ramassis d'abrutisserie qu'on leur met dans leur tête. Et ça, ça fait qu'on se retrouve avec des gens qui vont pas comprendre pourquoi ils prennent une place dans ce système. Le gars qui va se lever tous les matins pour aller faire son travail parce qu'il aura eu que ce travail-là de disponible pour pouvoir survivre, et il va se dire un jour ou l'autre, forcément il va se poser la question, il va se dire merde, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis ici? Moi qui voulais être astronaute, pourquoi je me retrouve dans un bureau de banque? C'est ça le truc. Et le travail au jour d'aujourd'hui, il n'est pas accessible aussi pour ça. Moi je connais des gens qui avaient des grands rêves, je connais plein de gens, hein. J'ai un ami à moi... qui était dans la rue, encore une fois, je vais prendre un autre exemple, qui a un bac pro plus 3, hein, il est ingénieur électro-informaticien. Bac plus 3. Vous savez où il travaille? À Franprix, il est caissier. Voilà. Le diplôme ne fait pas forcément le travail. Et je vais même être encore plus cru dans mes principes. En tant qu'antifasciste, je suis obligé de pointer un fait bien, bien évident. Au jour d'aujourd'hui, les gens, ils parlent de l'immigration, du travail au black, et des gens qui sont comme ça, qui n'ont pas de papier. Ça, le problème, il vient d'où? Le problème, il vient qu'on vit dans une société qui n'intègre pas les gens qui ont une envie de réussir parce qu'ils ne rentrent pas dans une classe bien définie dans leur bureau. C'est-à-dire que le mec, s'il a un dossier travailleur, je sais pas moi, de la mairie ou quoi, il va se dire, je peux pas prendre un mec qui a pas de papier. Alors qu'un mec qui travaille dans le bâtiment, il va avoir aucun scrupule à engager des gens qui ont pas de papier parce que c'est plus rentable pour lui. Et c'est là où je vais rebondir sur ce que Khaled disait, pas là mais avant, où il parlait de productivité. Et au jour d'aujourd'hui, le gros problème du travail, c'est que le mot productivité, il a été associé à un synonyme. Et ce synonyme, c'est rentabilité. Mais rentabilité pour qui? Pour le petit mec qui va travailler en usine, qui va passer toute sa journée à assembler 1500 pièces de d'iPhone 6. Mais derrière, si le pauvre gars, il est payé pour les 1500 iPhone 6 qu'il a monté, il est millionnaire. Hein. Ben non, ce mec-là, il va être payé le SMIC. Pendant que le mec qui a développé son iPhone, il va récupérer des millions. C'est ça le truc. Au même principe, il y a plein de choses comme ça. On parle de la France, du travail en France et tout ça. Moi, j'ai vécu 14 ans dans le Nevada. J'ai vu des Indiens qui ont essayé de s'intégrer. Alors, quand les gens ils entendent Nevada, ils pensent à Las Vegas, le désert du Morave, tout ça. C'est bien beau, Las Vegas, c'est à une demi-heure d'hélico de chez moi. Les seuls Indiens que vous trouverez à Las Vegas, c'est ceux qui passent la serpillière dans les hôtels. Et ça, qu'ils sachent compter, parler ou autre chose, hein. Ça, c'est le même problème partout. Au jour d'aujourd'hui, il y a un truc qui me désole. Je vais vous apprendre un truc. Quand j'ai eu 19 ans et demi, j'ai eu une période où j'étais à l'armée, où je me suis fait virer. J'ai essayé de trouver du travail. Et le premier travail qui m'est venu, c'est éboueur. Je me suis dit, on a toujours besoin des boueurs. En attendant, c'est un truc, ça rapporte de l'argent. J'ai été à la mairie, à l'époque, dans le 78, à Conflans-Sainte-Honorine. Conflans-Findoise, pour ceux qui connaissent. Vous savez ce qu'on m'a répondu? Le mec, il m'a dit, vous n'avez pas le profil pour accéder à ce métier. Et je lui ai demandé, mais quel profil il faut? Et il m'a dit, bah, y a des gens qui sont plus dans le besoin. En fait, cet individu, tout au long de son débat, dont je vous épargne les phrases très ennuyantes et extrêmement déplacées qu'il a eues envers moi, m'a fait comprendre qu'en France, pour être éboueur, il faut être noir et sans papier ou arabe et sans papier. Ça, c'est une situation qui a été acceptée, qui a été imposée. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils se disent, moi, je vais employer lui parce qu'il n'a pas de papier, parce que comme il n'a pas de papier, il n'a pas de droit. Donc, je vais le payer 200 euros pour un mois de travail au black, alors qu'un mec qui a des papiers qui va embaucher, il va le payer le SMIC. Ça, c'est le réel problème du travail. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement, on ne pointe pas le fait de dire que le travail, c'est négatif. Le travail est très bénéfique. Il apprend énormément. Le truc, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils ont oublié une règle fondamentale du travail. C'est qu'à une certaine époque, les gens, ils travaillaient pour quoi? Pas pour de l'argent. Je vais prendre l'exemple de ma communauté, qui est une communauté nomade depuis la nuit des temps. Ils ne travaillent pas. Je suis désolé, j'ai jamais vu un Indien venir avec une fiche de paye te dire « Ouais, j'ai chassé 3 bisons, combien tu me payes au kilo la viande ?» C'est caricatural, mais c'est la vérité. C'est qu'à un moment donné, les peuples qui vivent le plus en paix et ce que je pourrais qualifier d'évoluer, bah, c'est des gens qui vont pas travailler pour de l'argent, c'est des gens qui vont travailler pour ce qu'on appelle une nécessité. Le travail n'est pas une obligation. Le travail est un droit qui peut t'amener à une meilleure condition de vie. Là est le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, avoir un travail, ça s'appelle avoir des mauvaises conditions de vie parce que souvent, dans ton travail, on t'impose un rythme décadent que physiquement, tu as énormément de mal à tenir, comme Khaled le disait, ou ça, là, on parle de fatigue mentale, qui est encore plus dangereuse que la fatigue physique. Parce que la fatigue physique, c'est quoi? Vous dormez 2 jours, c'est bon, vous êtes réparé. Hein. La fatigue mentale, c'est-à-dire qu'un employé d'Orange, par exemple, qui va se prendre des blâmes et des blâmes par ses patrons parce qu'il n'est pas assez productif, au bout d'un mois, il va se pendre. On a tous entendu parler de la longue période où, dans les agences de télécommunications, il y a eu les vagues de suicides, là. Ça, on a arrêté d'en parler très vite, ça a duré une semaine. Pourquoi on a arrêté d'en parler? Parce qu'à un moment donné, si on en parle, on éveille les consciences. Si on éveille les consciences, les gens ils se posent des questions. Mais pourquoi tous ces mecs qui sont suicidés dans ces boîtes-là? Pourquoi? Ils ont un travail, ils ont une famille, ils ont une vie. Justement, ils sont censés être heureux. Parce que ça, c'est ce que l'État nous fait penser. L'État nous fait penser que si on a un travail, une situation, qu'on touche un salaire fixe, on est heureux. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est le plus gros mensonge. À un moment donné, il faut que les gens puissent avoir accès à un travail qui n'est pas, on va dire, opprimant, aussi bien dans leur qualité d'humain que dans leur qualité morale. Au jour d'aujourd'hui, pour revenir à la loi El Khomri, je ne sais pas si les gens qui ont suivi ici sont au courant qu'il y a un nouveau texte qui est passé. Maintenant, en entreprise, quand vous faites une grève ou un truc comme ça, bah, le lendemain, vous revenez, vous avez fait votre grève pour soutenir vos droits, qui, attention, est un texte de loi. Hein. C'est dans la Constitution des droits de l'homme. La manifestation est un droit à tout individu. Ça, c'est une chose fondamentale. Alors, si ça fait partie de la Constitution des droits de l'homme, nous vivons en France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, comment se fait-il que quelqu'un qui manifeste et qui retourne au travail le lendemain peut trouver une lettre de son patron sur son bureau lui disant « Puisque vous avez été en infraction au niveau du Code du travail pour une manifestation ou autre, ou une mobilisation pendant votre temps de travail, vous êtes viré. » Ouais. Donc voilà. Moi, je pointais ça. J'espère qu'il y a des gens qui vont rebondir là-dessus, parce que justement, c'est un grave problème. Il faut comprendre qu'à un moment donné, il y a la phase visible de l'iceberg et il y a la phase invisible. Et le travail nous empêche de voir la phase invisible. L'épuisement mental sert à ça. C'est de la manipulation psychologique. Voilà. Celui qui pense, il peut critiquer le système et se révolter. Celui qui ne pense pas va être un mouton toute sa vie. C'est tout. Merci, madame. Merci. Donc, si vous voulez prendre la parole, vous faites un signe et puis je vous fais tourner la parole. Voilà. Attends. Faut que je me rappelle des tours de parole. C'est à toi. Ouais. Dominique Méda, quand elle analyse le travail, elle divise en 3 périodes. Elle dit le concept travail il démarre au moment de la révolution industrielle avec Adam Smith, où le travail est identifié un facteur de production. Ensuite, avec Marx, le travail devient l'essence de l'homme. Et ensuite, dernière phase, il devient le pivot central de redistribution des richesses. Et on retrouve ça dans la Constitution qui nous dit que chacun a le devoir de travailler. et le droit de recevoir un emploi. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que le travail devient une marchandise, donc l'essence de l'homme devient une marchandise. Et le problème, pour revenir à l'idée de valeur d'échange et valeur d'usage, quand on voit le salaire d'une infirmière et le salaire d'un joueur de foot, on voit bien que la valeur d'usage d'une infirmière est beaucoup plus importante qu'un joueur de foot. En revanche, le salaire du joueur de foot est beaucoup plus important que celui de l'infirmière. Pourquoi ? Parce qu'il a une valeur d'échange qui est plus importante. Donc là, il y a un travestissement de la valeur. Et donc, il faut qu'on revienne justement à un salaire juste qui repose sur la valeur d'usage du travail fait par le citoyen. Tu veux... Ok. Bon. Alors, com'è ton nom, s'il te plaît? Moi, je suis Ulysse, toi? Nabat, bon. Je suis à 90% à peu près d'accord avec Rabat, mais j'ai un point de vue un peu différent. C'est-à-dire, bon, d'abord, je suis Ulysse, pour tout le monde, et le travail n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil, c'est un moyen, ce n'est pas une finalité, et souvent, comme on le regarde, ça change de sens. Un sens est un terme qui est très difficile à définir. Bon, deuxièmement, si on descend dans les détails, on se perd. Il faut regarder ça dans son ensemble. Tu as parlé beaucoup de l'école, je suis d'accord avec toi. On enseigne tout sauf la vie. Sauf la vie. Mais ça, c'est dans le système même, dans l'idée même d'école, qu'on oublie que l'école n'est pas, comme tout le monde croit, la transmission du savoir, mais bien sûr, c'est la transmission du savoir-faire. Faire est concret. Faire est apprendre la vie. Faire est critiquer. Faire est ouvrir l'esprit. Et ne pas subir les auteurs et les citations et le savoir des autres, hein, qui ne sert à rien s'il n'y a pas les bons sens. Cinq sens ne sert à rien s'il n'y a pas les sixième sens. Le sixième sens, c'est les bons sens qui donnent la valeur aux autres. Voilà. Alors, je viens sur l'autre chapitre. J'ai entendu parler du Boer qui fait un travail pénible. Un travail pénible, c'est pas un travail indigne. C'est un travail, et je le respecte. Je ne vois pas pourquoi on doit faire une sélection entre les boueurs qui ne doivent pas avoir des études, ne doivent pas avoir des titres, hein, et quelqu'un qui a bac plus 5 qui ne peut pas se permettre d'être boueur. Qu'est-ce que c'est ça? Essayons de changer de point de vue. Soyons plus concrets, plus ouverts. La civilisation, hein, où un boueur a passé une licence de droit. Mais qu'est-ce qu'il y a de négatif? Et alors, on balaye les éboueurs. Après, l'enfant, il doit choisir ce qu'il veut. Il doit donner son aspiration et après, avec sa passion, il choisira le travail qu'il voudra. Et puisque les astronautes sont à la mode, on sera tous astronautes, nos enfants. Voilà. Hein? Il y a pas au Québec qui font journée. Moi, j'ai enseigné, bien que fait partie de ma vie, Boris, et là, je dérape la règle, je parle de moi, personnellement, et j'enseignais pas beaucoup, j'enseignais qu'une dizaine d'années, et c'est la dernière dizaine de ma vie active. Et j'ai enseigné dans une classe de lycée de Clichy-Sous-Bois, magnifique comme zone. Hein. Une gamine rentrait en classe en pleurant. J'ai arrêté les cours et j'ai dit, attendons, là on ne peut pas faire cours. On va attendre la personne qui pleure. Voilà. Elle avait été maltraitée par les professeurs de lettres. Je lui ai expliqué, écoute, le diplôme, c'est bien de l'avoir, mais même sans le diplôme, tu peux faire ta vie. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Suis ta passion. Faites, j'ai dit à tous, ce que vous aimez. Eh bien, ce n'était pas juste. Aujourd'hui, je ne dirai plus, faites ce que vous aimez. Aimez ce que vous faites. C'est beaucoup mieux. Apprendez, il faut apprendre à aimer. Il faut apprendre à aimer la vie. C'est ça l'école. Merci. Alors moi, du coup, je voulais faire une proposition concrète pour notre société idéale, qui repart exactement sur les deux choses qui ont été dites avant. Ce serait donc apprendre aux enfants à faire les choses par eux-mêmes, à développer leur créativité et leur capacité de travail et d'échange, plutôt que, comme on l'a dénoncé, avoir des diplômes et aller se vendre avec ses diplômes. En fait, de trouver sa seule identité dans ses diplômes et de dépendre en fait de quelqu'un qui voudra ou ne voudra pas les reconnaître en fonction du marché du travail. Et ça, il me semble que ça se retrouve aussi déjà dans la famille. Donc ce serait un grand changement déjà à opérer pour le travail dans l'éducation. Merci. Oui, alors, toujours pareil, il y aurait trop de choses à dire. Mais ce qui me fait réagir, c'est l'histoire de suicide de la... Je ne sais plus quelle entreprise à la Poste, non ? Orange, oui. Mais dans le même temps, ça fait au moins 10 ans qu'il y a 300 suicides d'agriculteurs en France. Et tout le monde s'en fout. Et pourtant, les agriculteurs... Mais oui. Pourtant, les agriculteurs, s'ils font ce métier-là, c'est qu'ils l'aiment. Parce que ça, c'est un métier pénible, c'est un métier difficile. Et à mon époque, il n'y avait pas besoin d'avoir étudié. C'est pour ça que j'ai pu le faire. Mais en même temps, quand j'ai commencé à apprendre chez un autre agriculteur, il y avait un peu de gens de tous les pays, et tout le monde était plus ou moins rémunéré, plutôt moins que plus, mais il y avait aussi deux Arabes, par exemple, qui étaient pratiquement pas payés. Enfin, ils avaient un logement et disons de l'argent de poche, voilà. Et en même temps, moi, j'étais avec ma copine, on était payé un mois sur deux, enfin chacun, enfin déclaré un mois sur deux, mais payé tous les mois quand même. Et pourtant, aujourd'hui, les agriculteurs, c'est vraiment la dernière catégorie de travailleurs. Quand on est à l'école, on dit, si tu sais rien faire, bon, tu feras l'agriculteur. Et pourtant, nous, on mange tous les jours. Et tout ce qu'on mange, ça vient bien de quelque part. Forcément d'un agriculteur qui est en train de... Comme 90% des agriculteurs sont en train de péricliter. Ils ne meurent pas de faim parce qu'ils peuvent toujours manger leur ferme. Mais quand même, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à reconnaître socialement. Enfin, le travail, il y a toujours un aspect social, il y a l'aspect de la fatigue, de l'emploi, de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Mais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait aussi de Naba, de l'école. Maintenant, moi, j'ai pas beaucoup étudié, mais j'ai lu un peu de Bourdieu, Les Héritiers. On sait que l'école, c'est fait pour sélectionner. Donc, un enfant qui naît, suivant la catégorie sociale de ses parents, il sait déjà le métier qu'il va faire, les diplômes qu'il va avoir. Et l'école, c'est fait pour ça. Donc ceux qui sont au bas de l'échelle, que ce soit les agriculteurs ou les ouvriers, ils n'arriveront jamais à être ministre ou même député. Il n'y a qu'à voir actuellement, les 90% des députés sont des avocats. Et il y a peut-être deux ou trois ouvriers, pas plus. Et ça choque personne. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et même un dernier truc que j'ai déjà dit une fois, mais que moi, je suis à la retraite maintenant. Alors, j'ai essayé de faire un jardin partagé à côté de la gare de l'Est, à côté de l'église Saint-Laurent, si jamais vous avez l'occasion d'y passer. Et en pensant de pouvoir aider les SDF, les réfugiés, etc., de faire quelque chose, parce que moi j'étais 7 ans à l'armée du salut, enfin hébergé à l'armée du salut, et de voyer des gens qui, comment dire, enfin un peu de tous les pays, mais des gens qui avant d'avoir un problème d'argent, de famille ou autre, d'arriver à Emmaüs ou l'armée du salut, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient une famille, qui avaient des revenus, etc. Et du jour au lendemain, on leur dit, non, on te donne l'hébergement, mais tu restes là dans ta chambre tranquille et tu fais pas chier. Et surtout, tu fais rien. Et moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. ne rien faire au bout de 3 mois, quelqu'un qui est habitué à travailler, à une vie sociale, etc., il devient fou, forcément. Pas toi, oui, d'accord. Mais toi, t'es Superman, c'est pas pareil. Mais en même temps, bon, ce que j'ai essayé de faire, un petit jardin partagé, c'est plus pour être en compagnie que vraiment pour travailler, parce qu'il n'y aura jamais une production formidable. Mais ça n'a pas marché. Je veux dire, le jardin est géré par Emmaüs, mais il n'y avait jamais personne, et encore maintenant, il n'y a personne. Et donc il n'y a pas d'outils, donc il n'y a pas de graines ni rien, donc on ne peut rien faire. Et ça, c'est un truc. Il ne faut vraiment pas grand-chose pour que le travail soit une occasion de rencontre, une occasion d'échange, tout ce qui fait la valeur du travail, moins l'argent. Mais pour moi, ce n'est pas l'argent qui fait la valeur. C'est sûr que si quelqu'un trouve du boulot après, bon, il va laisser le jardin, il va aller bosser pour de l'argent, s'il trouve un vrai boulot. Mais en attendant, plutôt que de ne rien faire, de devenir fou, c'est garder au moins une dignité humaine. C'est plus qu'une occupation. C'est le contact avec la terre, c'est même le fait que, par exemple, les enfants à l'école, à 10 ans, même des fois à 15 ans, ils n'ont jamais mis les mains dans la terre. C'est un truc que moi, je ne comprends pas. Alors que, bon, maintenant, on fait des jardins thérapeutiques. J'en ai fait aussi. Mais c'est n'importe quel jardin, il est thérapeutique. Il n'y a pas besoin de mettre une étiquette exprès. Mais l'important, le travail aussi, c'est thérapeutique. Ça dépend comment c'est fait. Mais c'est pas l'argent qui décide si le travail est bien ou pas bien. C'est la personne elle-même. Et c'est pas les études, c'est pas les diplômes, c'est pas l'argent, etc. Et aussi, il y avait une dernière chose que je voulais dire, c'est pour les femmes qui croient encore que dans le passé, les femmes n'avaient pas droit à la parole, n'avaient pas de travail, n'avaient pas d'argent, ça c'est une grosse blague. Et il suffit de lire un livre d'Ivan Illich qui s'appelle « Le genre vernaculaire ». Et vous verrez que ce qu'on dit ou ce qu'on pense en général, ça date de la civilisation bourgeoise depuis 100 ans, où les gens dans les villes, les hommes gagnaient beaucoup d'argent et la femme restait à la maison. Mais ça, c'est très récent et très limité et très marginal. Les femmes ont toujours travaillé et ont toujours eu leur mot à dire. Voilà, à part ceux qui prennent des coups, mais ça, c'est un autre problème. Merci. Oui, alors moi, j'aime bien les fous. Donc, je vais faire le fou. En fait, dans bosser, qu'est-ce qu'il y a dans bosser ? Il y a avoir des bosses. Donc déjà, on se fait mal en travaillant. Et dans culture, c'est culturel. C'est culturel. Donc un agriculteur, il est cultivé. Il cultive la terre. En plus, il y a le culte. Le culte, c'est le contraire. Le culte, c'est religieux. Mais le culte, c'est le contraire d'un culte. Les agriculteurs, il y a des agriculteurs, ils peuvent être aussi bien intelligents que n'importe qui. Et bon, l'école, on est passé pendant très longtemps de l'école. On pouvait apprendre à ses enfants à la maison, on pouvait apprendre oralement. Bon, après, il y a eu des écoles parallèles. Alors maintenant, je viens d'apprendre qu'il y a une école Montessori qui n'est plus privée, mais qui est publique. C'est nouveau. C'est-à-dire que, parce que les écoles parallèles, le problème, c'est qu'il faut avoir du pèse un peu. Du pèse, donc ça pèse lourd. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Ben, actuellement, on est en 2017. C'est les 100 ans de la révolution russe qui a été une révolution bolchevique. Il y a eu les bolcheviques, il y a eu les mencheviques. Mais ça a mal tourné. Hein. En 1905, c'était pas mal. Il y a eu les conseillistes et les conseils ouvriers. Maintenant, on a repris ça pour des conseils d'État. C'est pas tout à fait le même sens. Il y a eu des conseillistes en Hongrie, en Tchécoslovaquie, dans pas mal de pays. Et on pourrait refaire des conseils. Il n'y a pas que les conseils ouvriers, il y a les conseils on pourrait faire dans d'autres professions, chez les agriculteurs, les conseils chez les menuisiers, dans toutes sortes de professions. Oui, dans l'artisanat. Donc voilà, et en 2017, on va avoir 17 abrutis qui vont se présenter comme président de la République. On n'en veut plus des présidents de la République. La République, qu'elle soit cinquième ou qu'elle soit sixième, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait l'abolition de l'État, qu'on commence à se gérer par soi-même. On réfléchit, on a tous quelque chose dans la tête. On n'est pas sourd, on entend, on réfléchit. Personne n'est idiot. Dostoïevski n'était pas idiot, mais Gogol n'était pas fou. Bon, j'en resterai là pour le moment. Merci. Je voulais revenir sur le rôle de l'école pour former les futurs travailleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème d'élite. On voit bien, pour rejoindre ce que tu disais, les députés ils sortent tous de l'ENA, des grandes écoles, donc voilà, les mêmes familles, ils sortent tous du même milieu. Et nous, fils d'ouvriers, pareil, on sort tous des mêmes familles et on est voués à faire à peu près le même travail que nos parents. Donc déjà, ça, c'est un peu dommage. À l'école, ce qui est valorisé, c'est... encore une fois, je vais rejoindre ce que vous avez dit, mais la compétition, c'est une sorte d'écrémage qui se fait. Et voilà, on va dire que ceux qui rentrent dans le moule et qui sont assez cultivés, entre guillemets, accèdent aux meilleurs diplômes. Autre chose, l'école aussi, actuellement, pour moi, c'est un peu un parking pour les enfants d'ouvriers. C'est-à-dire que nos parents travaillent et ils savent pas où nous mettre parce qu'ils travaillent, ils se tuent à la tâche 8 heures par jour. Donc forcément, où est-ce qu'on fout les enfants? À l'école. Et ils travaillent aussi de 8 heures à 16 heures. À peu près les mêmes horaires que leurs parents d'ailleurs, alors qu'ils ont 3 ans, 4 ans, 8 ans. Donc ça déjà, c'est scandaleux, je trouve, personnellement. Pour reprendre aussi ce que tu disais, on n'apprend pas à nos enfants à mettre les mains dans la terre, on les apprend à rester sur une chaise et à apprendre par cœur des choses qu'on va oublier 3 mois, 4 mois plus tard, une fois qu'on leur a restitué dans les contrôles, ou voilà, les évaluations, les notes, tout ça, c'est vraiment c'est de la torture, hein, presque. Enfin, se réduire à un chiffre, un numéro, voilà, je suis en 8 en maths, moi je suis en 12 en français, enfin bref, c'est un peu triste. Après, pour revenir à ce qu'on disait aussi, la valeur du travail, je pense que y a des métiers qui sont plus valorisés que d'autres, et par leur salaire aussi. Il n'y a qu'à voir combien gagne, encore une fois, une infirmière, un éducateur spécialisé, comparé à un travail de députés, d'avocats ou de choses comme ça. Donc pourquoi il y a des travails qui sont plus valorisés que d'autres? Ça c'est encore une question de priorité, où le gouvernement il veut mettre des priorités dans certaines choses et d'autres non, il préfère mettre de l'argent dans l'armement et dans tout ça que dans des petites entreprises, ou aider les petites entreprises. Et donc moi je pense que il y a des métiers qui sont ingrats. On a beau dire les éboueurs, il n'y a pas de sous-métier, mais quel parent, sans être hypocrite, quel parent dirait à mon fils tu veux dire être éboueur, c'est parfait. Je pense non, mais normalement on devrait tous être comme ça, mais malheureusement c'est un peu hypocrite de dire ça parce que mes parents ils ont beau être super ouverts, quand j'aurais dit que je voulais faire éducatrice spécialisée, ils ont fait un peu la gueule en mode t'es sûr tu veux pas être avocate ou journaliste, tu pourrais faire des choses tellement mieux. Et tous les parents sont comme ça, hein. Là on dit c'est super, il y a pas de sous-métier, mais si, dans les mentalités il y a des sous-métiers. Et donc je pense que il faut valoriser tous les métiers et aussi se répartir le travail. Je pense qu'il y a des travaux que personne ne veut faire, qu'on laisse aux immigrés ou aux sans-papiers. Et ben, je pense qu'on pourrait organiser notre société et faire en sorte que tout le monde fasse un peu les boulots ingrats. C'est-à-dire qu'on tourne, tout le monde sort les poubelles de tout le monde au moins une fois par semaine. Et à côté de ça, on se consacre à nos activités, nos passions et notre métier. Voilà. Merci à toi. Donc, je vois des nouvelles têtes qui sont venues. Je vous rappelle. Attends deux secondes. Donc, on est sur quelle société veut-on ? On est sur la deuxième fois sur le travail. Donc, ceux qui veulent parler, vous faites un tour de main. On ne mange pas. Vous pouvez parler sans problème. C'était juste pour rebondir sur ce que disait Didier tout à l'heure sur le, si tu travailles pas, tu deviens fou. Ben c'est parce qu'on est conditionné, ça c'est parce qu'on est conditionné qu'on pense ce genre de choses. Là, ce qu'il faudrait, c'est redéfinir le travail déjà. Comme le faisait remarquer tout à l'heure notre ami Eddy, notre concitoyen Eddy, une femme, le travail domestique, par exemple, c'est du travail, quoi. Seulement, c'est pas rémunéré, mais c'est du travail. C'est parce qu'on pense tout en termes de productivité, quoi. Il faut être productif, quoi. Donc je me rappelle, la semaine dernière, il y a un jeune homme qui est venu, qui disait qu'il était RSA, mais que lui, il voulait être artiste, et que c'est vrai qu'artiste, ben voilà, c'est pas considéré comme un travail. Comme le disait la co-citoyenne à l'instant, là, qui vient de parler, ben voilà, quoi, il y a des échelles, il y a des travails qui sont valorisés, d'autres moins, etc. Là, ce qu'on fait, par exemple, en ce moment, ici, à EduPop, on pourrait considérer que c'est du travail, c'est pareil. Après, c'est ça. Et c'est intéressant, je trouve, le débat du revenu de base ou du revenu universel en ce moment qui est lancé, même si je me méfie des politiques quand ils parlent de l'attribuer, etc. Ils font des promesses, puis il n'y a rien qui les tient à leurs promesses. Mais au moins, ça a l'avantage de lancer la question sur le travail, justement, et qu'est-ce qu'est le travail, et voilà. Parce qu'il y a plein de choses qu'on fait et qui ne sont pas considérées comme du travail et qui pourraient être considérées comme du travail. Voilà, c'était pour faire remarquer ça. Et je voulais aussi rebondir aussi sur le monsieur tout à l'heure qui était entrepreneur là, et qui disait que voilà, il était content d'être entrepreneur, il était dans son petit village et ça marchait bien et que ça lui plaisait ce qu'il faisait. Mais parce que le truc, c'est toujours pareil, c'est l'exemple ne fait pas la règle. C'est pas parce que lui il a réussi et que lui il est content de faire ce qu'il fait que tout le monde peut réussir, etc. Il y a des millions de chômeurs, des millions de gens qui sont au RSA qui pareil aimeraient bien réussir, quoi. Hein, comme j'ai voilà. Évidemment, comme le disait Confucius que je citais tout à l'heure, choisissez le travail que vous aimez et vous aurez pu aller travailler une seule fois. Mais ça, c'est pas tout le monde hein, qui fait le travail qu'il aime. Moi personnellement, j'ai jamais fait de travail que j'aimais. J'ai toujours été au travail parce que bah fallait que j'y aille, quoi, et c'est tout, quoi. C'était un chantage, quoi. Sinon je me retrouve dans la rue, quoi, comme plein de gens maintenant qui sont dans la rue, quoi. Et aussi c'est pareil, le travail, s'il était un peu plus partagé, parce que c'est vrai qu'avec les machines, tout ça, des fois, et la technologie, on arrive à réduire des travaux, mais le problème c'est que après ça fait du chômage, ça met des gens à la rue, alors qu'on devrait partager le temps du travail aussi. On travaillerait moins et comme ça on aurait aussi le temps de réfléchir, etc. Voilà, c'était quelques remarques que je voulais faire sur les interventions précédentes. Merci à toi. Alors, qui voudrait prendre la parole ? On ne mord pas. Je voulais rajouter un dernier truc. Pourquoi c'est difficile de trouver du travail ? Pourquoi on a des métiers qui sont pas valorisants ? Bah parce que malheureusement, on est face à un marché et qu'il y a énormément de chômage et que les entreprises, elles jouent avec ça. Moi, dans mon stage, on m'a dit... Bon, j'avais quelques revendications parce qu'il n'y avait pas de pause, par exemple. Je travaillais toute la journée sans pause. Et je leur ai dit, pour m'appeler la syndicaliste un peu parce que voilà, je revendiquais deux, trois trucs. Et on m'a dit, tu sais, personne n'est remplaçable et on peut te virer à n'importe quel moment et puis il y en aura d'autres derrière. Donc, malheureusement, on est face à un marché et on est esclave de ça et c'est à cause de ça que ben voilà, on est exploité et que ben les patrons, ils en profitent bien parce qu'il y a du chômage. Donc bon, bah écoute, qu'il y en ait un ou pas qui partent, ben il y en a d'autres derrière qui font la queue et puis voilà, quoi. Donc voilà, je pense que après, sans partir dans un complot, est-ce que le chômage, il est vraiment, enfin, est-ce qu'il existe vraiment ou est-ce qu'il est provoqué par le système ou... Je ne veux pas partir dans des théories complotistes. Hein. Il n'y a pas trois personnes autour d'une table qui disent on va créer le chômage pour créer des... Mais je me demande à quel point il peut être quand même créé ou... Je ne sais pas. Je me pose des questions par rapport à ça. Ouais, mais attends, il y a deux tours. Tu peux attendre, il y a deux tours de parole avant toi. Assise. Tiens. Bon, merci beaucoup. Alors, à question précise, réponse précise. Effectivement, quel est ton prénom, s'il te plaît? Adèle, tu es dans la vérité. Puisque ta question contient la réponse. C'est-à-dire que le chômage est loin d'être une fatalité, comme la crise. La crise, c'est quotidienne, depuis toujours, que ce soit celle de la lune qui s'éclipse et autre chose. Il est costruit de toutes pièces, le chômage, par la classe dominante, non perché il est conscient di creare il chômage, ma inconsciemment, c'est à son avantage. Plus vous êtes déprimé, plus vous êtes malléable. Voilà. Mais, vous êtes un être humain. Et je dis un être humain, je précise, je ne dis pas un humain. Parce que je ne dis pas non plus un bovin ou un canin. Hein. Vous êtes un être humain. Vous avez un cerveau. Et surtout, vous avez un cadeau que nous a fait la nature. Vous êtes libre de faire ce que vous décidez de faire. Soyez tranquille. De toute façon, vous tromperez. Mais, et moi aussi. Mais l'avantage, je sais que je me serais trompé parce que j'ai mal choisi. Voilà. Alors, pour revenir au chômage. Le chômage, c'est le résultat de la destruction du travail. La destruction du travail, c'est déjà définir le travail comme quelque chose de négatif, de pénible, qui crée les classes. La classe sociale, c'est le travail. En réalité, l'homme a droit de monter à n'importe quelle classe. Voilà. Il y a une méthode très rapide. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'école, il suffit qu'ils soient capables de tuer, voler et autres, et font chez la mafia une carrière dynamique, immédiate. Ils n'ont aucun titre d'instruction, aucun diplôme. Bon, merci, non, j'en vais pas. Voilà, mais vous pouvez choisir, vous avez la liberté de choisir. C'est là. Mais si on ne va pas à fond de ces petites choses que j'ai dit, malheureusement, on ne résoudra pas le problème du travail. On a une société riche qui ne s'oblige pas à consommer, il y a de surabondance. Et on veut produire encore plus des ordures. Voilà, qu'est-ce qu'on crée? De l'emballage, du suremballage, pour déléguer il travail alla classe inferiore. Chi è chi si occupa des ordures? Ils nous ont refilé même les tri en supprimant celui qui les ramasse, en détruisant encore une fois le travail. Et ils divideront jusqu'à che vous aurez des bouches à nourrir. Et vous boufferez, nous boufferons ce qu'ils nous donneront à bouffer. Et on n'a pas de choix, nous là. Je ne pense pas que ça existera, ça. C'est trop moche et on est trop malin. Pour tomber dans les pièges. Donc il faut se révolter. Attention, parce que le mot révolution, c'est une gamine qui me l'a appris. Et alors, je regrette pour Boris parce que je vais raconter ma vie. Donc, on était avec ma fille, devait avoir 7 ou 8 ans, cours primaire. Et passé une semaine avec nous, l'autre gamine. Et les enfants, quand ils sont deux ou trois, et doivent suivre un adulte, ils se lient entre eux et ils se moquent de l'adulte. Faut-il le père, hein? Et alors ils ont commencé. Un éléphant se trompe, etc. Hein? Et après, ils sont sortis, je ne sais pas comment. Ils ont fait la révolution, Aïe! Pour la révolution. Et alors elle m'a expliqué à la gamine, oui, l'autre jour je suis allé au palais de la découverte et on nous a pris la révolution de la Terre. Ah bon? Oui, la Terre fait la révolution autour du Soleil et ritorne au point de départ. C'est ça les mots révolution. La vérité de la révolution, c'est ça. Bon, ça je l'ai oublié. Et ici sur la place, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce que c'est une révolution? Tout le monde veut faire la révolution. Tous, on est contents, on se révolte, c'est beau, c'est magnifique. Seulement, je porte l'exemple, je l'ai apporté ici, du bébé, les nourrissons. Oui, ah bon, d'accord, ok. Merci de m'interrompre. C'est formidable ce qu'il vient de dire. Alors, on revient. L'enfant qui n'est pas, le petit enfant qui n'est pas propre, des fois, il fait la révolution. La révolution autour de quoi? Adèle, autour de quoi? Qui répond? Assez, allez, allez, qu'est-ce qu'elle fait? L'enfant qui n'est pas propre, il fait? Non, l'enfant qui n'est pas propre, il fait le tour du pot. Il tourne autour du pot. Voilà, il tourne, il tourne, il tourne. Et à un certain moment, qu'est-ce que... Parce qu'il tourne, parce qu'il ne veut pas être éduqué. Il ne veut pas faire dans les pots. Alors il tourne autour, mais la nature ne le laisse pas faire. Et il fait à côté. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il devient? Celui-là qui ne voulait pas faire caca dans le pot, hein, il se retrouve dans la merde, disons, un mot très simple. Voilà, après la révolution, on est dans la merde. Comme dans la grande révolution d'il y a deux ou trois siècles. Voilà. Hein? Moi, je préfère, plutôt que faire la révolution, écouter Proudhon. Voilà. Que les socialistes, lui se bouche les oreilles, c'est bien. Hein? Puisque les socialistes l'ont enterré vivant, l'ont mis en prison, l'ont chassé du gouvernement, lui le fondateur du socialisme. Hein? Mais il a préconisé la révolution permanente, douce, pas violente, intelligente, etc. Celle qui a dit, par exemple, si ma mémoire est bonne, peut-être ça prendra 1000 ans. Mais c'est cela, ça peut apporter quelque chose. Voilà. Mais ici, on fait tri. On est marxiste. Marxiste, aujourd'hui, marxiste. Il faut être marxiste. Ils nous ont formatés à l'école. Non. Hein? Bon, non, si tu veux, je lâche. Je laisse, mais en principe, je crois que c'est le peuple qui doit décider. C'est eux qui doivent décider à qui donner la parole. Merci. Proudhon a fondé l'anarchie, non pas le socialisme. Attends, dis, s'il te plaît. Oui. Excuse-moi, j'arrête. Hein. Denis, il n'a pas formé le socialisme, mais il était dans le gouvernement. Et en tant qu'anarchiste, il était ministre. Allez. Alors, merci. Donc, on dit 5 heures pour arrêter ou un peu plus? Ouais, attends. Deux secondes, je m'en occupe, deux secondes. Donc là, en fait, l'atelier, on voit l'heure qui tourne. On va arrêter sur du 5 heures. Donc là, je pense qu'on va prendre les derniers tours de parole. On pourra peut-être, sinon, jusqu'à 5h10, s'il y a encore d'autres personnes qui parlent, on va bientôt terminer. Donc, celle qui veut prendre la parole, faites-moi signe de main. On va passer sur le dernier tour de parole. Et attends, faut que je me rappelle, je crois que c'était d'abord à toi. Alors, je vais être assez bref. Il y a les mots M-O-T-S et il y a les mots M-A-U-X. Et c'est une thérapie de parler. Donc, ça serait bien que, bien sûr, on est habitué, certains, on se connaît, on est entre compagnons, compagne, compagnon. Mais tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Le travail, c'est un instrument de torture. Donc, je suis définitivement contre le travail. Et je suis pour la révolution permanente comme Rosa Luxembourg. Rosa Luxembourg, elle était pour une révolution permanente. Mais il y a aussi l'insurrection. Et j'aimerais bien que les gens puissent s'exprimer. Au lieu de parler pendant que les autres parlent, il faudrait écouter. C'est malhonnête de parler pendant que les autres parlent. Je disais, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer. Parce que nous, on est des professionnels de la parole. Mais ça ne devrait pas être une profession. Mais je connais, c'est souvent les mêmes qui parlent très très longtemps. T'as fini ? C'est bon ? Alors, vas-y. Donc ouais, puisqu'on parle du travail, parce qu'au départ le sujet c'est le travail, hein, c'est l'ordre du jour. Je voulais rebondir sur ce que disait la personne tout à l'heure à propos du chômage, sur le fait que le chômage soit un bon instrument de coercition pour les patrons. Et même si, comme elle disait, c'est bien la façon dont elle a présenté, elle dit ouais, c'est pas vraiment un complot, mais bon, ça les arrange bien. Ouais. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est Marx qui disait ça aussi. Hein. Marx, les chômeurs, il appelait ça l'armée de réserve. Bon, pour revenir au monsieur de tout à l'heure là, qui disait. Je suis pas spécialement marxiste, hein. C'est juste qu'il y a des choses dans Marx qui sont intéressantes, c'est tout. Donc je les prends comme je les prends. Je prends partout il y a des choses intéressantes. Bon après, je prends pas tout. Hein. Donc voilà. Le chômage, c'est une épée de Damoclès qui pêche sur le chômeur. Non seulement ça lui permet, comme le disait justement Adèle tout à l'heure, judicieusement, ça permet de faire un chantage. Comme ça, on le fait travailler comme on veut. S'il est pas content, on lui dit il y a 50 personnes qui attendent ta place. Mais il y a une autre chose auquel, qui est importante, qui permet aussi le chômage, c'est que les gens, avec ce chantage, bah, ils font pas la grève, ils font moins la grève, ils défendent plus leurs droits. Je vous ferai remarquer que ça fait déjà un bon petit moment, depuis déjà bien longtemps, que c'est plus tout le monde qui fait la grève, mais c'est plus que les fonctionnaires, parce que c'est les seuls qui ont encore l'assurance de l'emploi. Voilà. Ça, c'est super important, quoi. Les gens normaux, les gens qui sont en privé, pardon, les gens normaux, les fonctionnaires aussi sont normaux, excusez-moi. J'ai dit une bêtise. Et je disais donc que les gens qui sont dans le privé, ils font plus la grève depuis bien longtemps, justement, à cause du chômage. Parce que on leur dit, il y a 50 personnes qui attendent votre place et ils savent qu'ils risquent de. Mais, et faites attention parce que y a plus que les fonctionnaires qui défendent nos droits, c'est super important. Et d'ailleurs, ils essaient de casser la fonction publique en disant, ouais, vous avez vu c'est ce qu'ils font en ce moment, les gens d'en haut, là. Ils disent, ouais, vous avez vu, les fonctionnaires, ils ont plein d'avantages que vous avez pas. Alors, ils disent, ouais, les fonctionnaires, il faudrait qu'ils soient comme les gens du privé. Alors que c'est le contraire. C'est le contraire qu'il faudrait. Il faudrait que les gens du privé soient comme les gens. Du public, voilà. C'est juste voilà des remarques que je fais et que en fait bah oui c'est vrai que ceux qui font la grève et qui défendent nos droits et encore ils ont de plus en plus de mal aussi même dans la fonction publique. C'est maintenant les fonctionnaires et les gens du privé. Il y a bien longtemps qu'ils font plus la grève. Moi je me souviens déjà même en 95 c'était comme ça. Et en plus on nous faisait croire que les fonctionnaires ils prenaient les gens en otage. Et ça marche maintenant en plus cette histoire de prise d'otage. C'est grave, je trouve ça grave. Parce qu'en fait, ceux qui prennent en otage, c'est une petite minorité d'argent, de gens qui ont de l'argent, qui ont de la finance. C'est eux qui prennent en otage tout le reste de la planète. Voilà. Merci. Merci à toi. Bon, moi, je vais répondre à Adèle par rapport au chômage. Ça, c'est parce qu'on n'a pas déjà que doublé or, parce qu'on n'avait pas on n'a pas d'argent, donc voilà. Bon, alors pour répondre à ce que tu disais par rapport à la théorie du conspirationnisme, alors c'est pas du conspirationnisme, par contre c'est réel, dans le sens où le chômage, il a été créé par quelque chose de beaucoup plus important qui a été créé par les politiciens, par les gens justement qui ont de l'argent et qui détiennent certaines clés du pouvoir, c'est-à-dire l'offre et la demande. L'offre et la demande c'est quoi ? Bah, c'est que bah, moi j'ai pas de travail donc je demande un travail, et l'offre bah, tu demandes du travail donc moi je t'en donne. Donc, tu es censé me manger dans la main. Voilà. En fait, c'est à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu rentres dans ce fonctionnement-là, tu rentres dans un fonctionnement où c'est au détriment de ta nature en tant qu'être humain, de ta liberté en tant qu'individu. Pour prendre un exemple assez simple, c'est comme un sablier. Un sablier, si vous le retournez, il y a un côté qui se vide dans le côté vide. Si vous le retournez, c'est l'inverse. Au jour d'aujourd'hui, on est pauvre parce qu'il y a des gens qui sont riches. Et il y a des gens qui sont riches parce que nous, on est pauvres. Ça, c'est la réalité, ça s'appelle pas la crise. Non. Ça s'appelle la manipulation monétaire. La manipulation monétaire, c'est quoi ? Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis boursier. Je sais pas, moi, je suis multimillionnaire. Je vais ouvrir une filiale de transport de riz. Mais c'est pas assez rentable. Mais je suis millionnaire, donc je m'en fous. Donc je vais acheter toutes les actions du grain de riz sur le marché. Puis demain, le sac de riz de 1 kg qui coûte 2 euros chez l'épicier, eh ben, il va coûter 75 euros. Parce qu'il y aura plus de denrées sur le marché. Ça, c'est l'offre et la demande. C'est une manipulation qui est en marche depuis très longtemps, depuis la création du pouvoir d'achat avec le cher Madoff. Enfin, on va pas parler de ça, c'est un sujet très ambigu et on se fait des ennemis quand on parle de ça. Mais voilà, parce qu'il y a de l'argent. C'est la politique, la religion et l'argent. C'est les trois termes à pas aborder normalement. Et du coup, depuis que ce truc-là ça a été créé, les gens, au jour d'aujourd'hui, ils se sont, en fait, ils ont écouté les mensonges de là-haut. Donc les mensonges de là-haut, c'est, on vous paye moins cher et ça coûte plus cher parce qu'on est dans la crise. Mais on est dans la crise pourquoi? Parce que personnellement, c'est pas moi qui nique 15 000 euros pour rouler en BMW et faire le tour de Paris. Hein. Je suis pas président, je suis ni ministre. Hein. C'est pas moi. Donc le principe, il est simple. Si il y a deux individus sur une île déserte, il y a une pièce de 1 euro. Bah, s'il y en a un qui l'a, bah, l'autre il est pauvre. C'est ça le truc. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ils ont oublié un principe fondamental. L'argent, c'est pas infini. Il y a une limite. La limite, elle est définie. Si cette limite qui est définie, elle est partagée en 5, ça veut dire qu'il y a 5 personnes dans le pays qui vont avoir toute la richesse. Et les autres, ils auront rien. Et à un moment donné, ces 5 personnes-là, ils vont créer ce qu'on appelle l'offre et la demande. C'est-à-dire que par leurs moyens financiers, ils vont injecter de l'argent dans la bourse, dans l'achat, dans le travail, dans toutes ces choses-là. Et l'argent qu'ils vont injecter va faire chuter plus ou moins les actions, les prix ou autre chose. Et en faisant chuter ces choses-là, eh ben, ils influencent l'offre et la demande. C'est comme ça que ces gens-là arrivent à manipuler des individus comme nous en leur disant, comme disait Adèle, ben oui, mais coup de coco, t'es pas content, tu dégages, quoi, la porte elle est là-bas, moi je peux embaucher quelqu'un demain. Et ça, c'est la dure réalité de la loi travail, qui a été encore plus renforcée dans le principe de causalité par les 49.3 et tout le truc qu'ils nous ont mis, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, un patron, comme en Amérique, il peut venir un matin et te dire, en fait, j'aime pas ta tête, donc t'es viré, et tu peux rien dire. Voilà. Et ça, c'est encore au jour d'aujourd'hui la preuve explicite que les gens qui sont là-haut, qui ont le pouvoir et l'argent dans leur poche, créent ce principe-là. Et le chômage, c'est pas un fait, c'est pas une maladie, c'est rien du tout. Le chômage, c'est une causalité qui a été créée par la manipulation monétaire et budgétaire et politique même de ce thème-là, de l'offre et la demande. Le gros problème, c'est ça. C'est pas la crise, c'est pas l'argent, c'est pas la pauvreté, la richesse ou le racisme ou les trucs comme ça. C'est l'offre et la demande. Si l'offre et la demande au jour d'aujourd'hui est cassée, nous, en tant que citoyens, on aura autant de pouvoir sur nos vies et sur nos choix décisionnels que les gens qui sont là-haut et qui ont l'argent et le pouvoir. Là est le réel problème. Je vous remercie. Merci. Donc là, on a bientôt une heure pour nous. Donc je vais prendre les derniers tours de parole, celles qui veulent parler, ça va être c'est les derniers. Après aussi pour notre commission, on vous appelle, on va faire tourner une boîte pour si vous voulez nous aider à toujours rester sur la place. Si vous voulez pour nous aider, on nous donnera un peu d'argent, si c'est dans vos moyens bien sûr. Donc ma collègue Adèle va vous faire tourner la boîte. Donc voilà. Donc merci pour vos dons ceux qui mettront. Donc, ceux qui veulent prendre la parole, faites-moi signe pour le dernier tour de parole avant qu'on finisse. Merci. Ouais, sur la question du chômage, je pense qu'on a touché vraiment un point fondamental. Et pour revenir à ce qui avait été dit avant, à la naissance du libéralisme, il y a deux valeurs fondamentales qui sont la sécurité et le droit de propriété. Et le problème, c'est que dans le modèle où on est, tout repose sur l'insécurité professionnelle. En ce sens que le chômage a une fonction très, très précise, c'est d'instaurer dans la société un sentiment permanent d'insécurité professionnelle pour nous pousser finalement à donner, entre guillemets, le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est repris, par exemple, dans le sport. Dans le sport, une équipe de foot, elle vit toujours dans une insécurité de perdre au prochain match. Et donc ça, c'est une culture qui est infusée dans la société. Et les chômeurs permettent justement à ce principe de pouvoir fonctionner. En ce sens qu'effectivement, tout repose sur la loi de l'offre et de la demande, et que ce qui fait qu'un footballeur est mieux payé qu'une infirmière, c'est parce qu'il est plus rare de trouver un très bon footballeur qu'une simple infirmière. Donc, encore une fois, on est des marchandises, on est réduit à des marchandises dont la valeur est déterminée par notre rareté. Et donc, comment se libérer de ça? Ben, je pense que pour se libérer de ça, il faut instaurer justement un sentiment de sécurité professionnelle. C'est-à-dire que pour nous libérer de ce chantage à l'emploi, je pense que le concept de revenu d'existence, qui est un filet de sécurité, peut nous permettre, de mon point de vue, de nous émanciper de ce modèle économique qui repose justement sur une insécurité professionnelle. Non, je peux la faire si tu veux. Il y a une chose qu'on peut penser aussi, c'est l'égalité des salaires. Hein. Quand il y a des salaires qui sont 100, 300, 400 fois plus élevés que d'autres salaires, là, il y a un gros problème. Là, je voulais juste... parler d'emploi fictif En fait, là, comme vous le savez, Fillon, là, il a été attrapé la main dans le pot de confiture avec des histoires d'emplois fictifs. Et donc, cette semaine, juste, voilà, je voulais parler de cette semaine, il y a une dame qui était parlementaire pour le défendre. Vous savez ce qu'elle est venue dire ? Elle est venue dire, bah, vous savez, moi, je suis parlementaire, mais on fait tout ça, nous, les parlementaires. Voilà, elle ose dire ça à la radio, quoi. C'est super scandaleux, quoi. Voilà, quoi. Alors qu'il y a des gens aussi comme monsieur, comment il s'appelle, Wauquiez, qui s'en prennent aux gens qui sont RSA, qui disent que les gens qui sont RSA, ils profitent du système. Je crois pas que c'est les gens qui sont RSA qui profitent du système, hein. Ils sont pauvres. D'ailleurs, la fraude au RSA, je crois que c'est 0,004%. Je pense que le parlementaire, comme vient nous le dire cette dame à la radio, qu'elle nous dit que tout le monde fait ça, voilà. C'est eux les gros fraudeurs, c'est eux les voleurs, c'est eux qui nous piquent, qui piquent le pognon au peuple. Voilà, c'était juste pour faire remarquer ça. L'emploi fictif. Donc, merci. Donc, pour tout le monde qui a écouté, bah, on vous remercie d'être venu. Après, si vous voulez, on a des programmes que ma collègue fait tourner, on en a aussi pour tourner. Vous avez toutes les interventions qu'on va faire, tout notre programme. Donc là, ce qui va se rapprocher pour nous, c'est donc on a la semaine prochaine, on vient à la même heure, donc entre 3 et à partir de 3 heures, on va faire toujours sur le thème quelle société veut-on, on va parler d'un autre sujet. Donc vous verrez sur place, pour l'instant on n'a pas décidé encore. Et aussi on a pour le samedi 18 février, donc on va refaire des interventions. Donc on vous invite à venir donc samedi 18 février à venir dans un truc fermé qui est la boutique pédagogique 28 rue des Maraîchers dans le 20e. Donc ça commencera à partir de 2h. 2h pour 18. Pour le 18 février, c'est 2h. Donc ça sera à partir de 2h jusqu'à 6h. Donc je vous rappelle l'adresse, hein, 28 rue des Maraîchers dans le 20e. Donc on vous remercie d'être là et puis à la semaine prochaine. Au revoir.